Un beau matin de décembre 2013, on m'a mis sur un lanceur très balèze. Et j'ai dit à ma fusée, faut pousser, fuir l'attraction terrestre. Puis j'arrive sur une orbite encombrée par des satellites et toutes sortes d'objets. Et v'là-t-y pas que je suis contrôlé par la NASA. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. J'ai des papiers, I'm French de Toulouse. On n'est pas là pour se faire assommer. Entre agences, il faut pas qu'on se jalouse. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à l'astronautique. Laissez-moi donc prendre mes mesures. Sinon plus tard, quand Allais repassera, ma parole, nous on le saura pas. Jour de la fête à Hipparcos, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on boit un verre d'ergol, vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti pas frais, quel pataquès. Je me retrouve avec les condés aux fesses. Et j'ai compris devant la tronche des gars du CNES. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. C'est trop triste si on peut même plus boire. On n'est pas là pour se faire assommer. Tant que vous y êtes, flashez-moi au radar. Faut vous rendre compte que je suis ici toute seule. C'est parfois d'une tristesse pas croyable. De temps en temps, je prends un verre. Depuis que je leur ai fait peur en faisant la foire, ils discutent de moi dans un bar. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Merci Paris, à vous la Terre. Ça va, Mehdi ? Oui, ça va. Oui. Ça a l'air d'aller bien. Mehdi, c'est la première fois qu'il vient au Mardi de l'espace. Voilà. On va retrouver Xavier une prochaine fois, mais c'est Mehdi qui est là. Il sera là aussi le mois prochain. Je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau pour lui souhaiter la bienvenue, alors. Merci. Alors, vous avez sans doute, peut-être, en tout cas, je vous le souhaite, passé un jour, une nuit dans le désert. Ou alors peut-être en montagne par une nuit sans lune, une nuit sans nuages, et vous avez vu dans le ciel des myriades d'étoiles. Oui, les étoiles habitent le ciel dans un nombre incommensurable. C'est incroyable ce qu'il y en a. Et bien sûr, celles qu'on voit, c'est rien du tout à côté de celles qu'il y a. C'est-à-dire qu'entre les étoiles qu'on voit, il y en a évidemment une foule qu'on ne voit pas. Eh bien, c'est cette multitude que le satellite Gaïa a décidé. C'est pas lui qui a décidé, hein, mais en tout cas, il est parti pour les cartographier, pour les étudier, pour déterminer un certain nombre de paramètres les concernant. Chaque jour, figurez-vous que Gaïa acquiert des données sur 60 millions de ces objets. Chaque jour, 60 millions de ces objets. Alors, ce sont des étoiles, il y a une ou deux supernovas aussi, je crois, des astéroïdes, des comètes, des exoplanètes bientôt. Et puis, ça va même au-delà de la galaxie, puisqu'on a aussi des quasars. On peut parler aussi d'objets comme de la matière noire. Je ne sais pas si on peut parler de la matière noire comme d'un objet, mais enfin, voilà. Donc, vous voyez, c'est extraordinairement puissant que ce Gaïa. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. L'une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'une mission consistant à mesurer, entre autres, la distance des étoiles a tant d'importance, va avoir tant de conséquences pour l'ensemble de la communauté des astronomes, des astrophysiciens, des cosmologistes. On peut se demander aussi, qu'est-ce qu'on va apprendre de l'univers avec Gaïa? Et vous allez voir que c'est assez étonnant. Et puis aussi, une chose extraordinaire, comment les Européens sont-ils parvenus à réaliser une mission d'une telle qualité, d'une telle puissance, je dirais, que les Américains, la NASA, a décidé de jeter l'éponge. Ils ont dit, voilà, il y a Gaïa, c'est pas la peine, la place est prise, on va pas faire de mission d'astrométrie, ça vaut pas la peine. Alors, voilà quelques questions qu'on peut se poser, que vous allez pouvoir poser. En tout cas, je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est François Mignard et Olivier Lamarle. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup de votre présence. Tenez, Parlez-nous de vous, François Mignard, dites-nous qui vous êtes. Eh bien alors, comme vous avez dit, rappelez mon nom, François Mignard, d'abord mon âge, hein, 67 ans, et je suis astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est-à-dire que depuis la fin de mes études supérieures, vous avez parlé de l'école normale, donc depuis la fin de mon doctorat, je fais de la recherche en astronomie, et ma spécialité, dès le début, ça a été, on va dire, plutôt le côté un peu mathématique de l'astronomie, donc l'astrométrie, la mécanique céleste, comment les choses bougent, pourquoi les planètes tournent comme elles tournent, est-ce qu'il y a des possibilités que les planètes rentrent en collision les unes avec les autres, et ça, ça m'a amené également à essayer de comprendre comment on mesurait leur position. Et de là, on est passé aux étoiles et j'ai eu la chance, quelques années après mon début de carrière en recherche, qu'il y a eu ce projet Hipparcos, qui est le premier satellite qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne, dont l'objectif était de mesurer la position et la distance des étoiles. Une mission spatiale, ça dure 20 ans. Entre le développement et sa réalisation. Donc, au cours d'une carrière, en faire deux, il faut se trouver juste au bon juste créneau. Au bon moment, d'accord. Bien joué. Si vous êtes bien mal placé, François. C'est pas la peine. Hein. Donc, vous avez peut-être arrivé à la fin de la deuxième, mais ouais. En tant que retraité. Voilà, parce que donc, ça, c'est Hipparcos, c'était l'ancêtre de Gaïa. Et puis maintenant, il y a Gaïa. Et vous avez été responsable du consortium des chercheurs qui se rassemblent autour de Gaïa pendant 7 ans. Hein, responsable de ce consortium. Donc, c'est grosso modo, c'est 450 chercheurs venus de 25 pays. Vous voyez, c'est assez important. Et à côté de vous, il y a donc Olivier Lamarle. Mais bonjour. Je suis au CNES, ingénieur, et je suis en charge des programmes d'astronomie au CNES. Donc j'ai la chance de travailler avec des gens aussi intéressants que François. J'ai la malchance de ne pas pouvoir passer énormément de temps avec eux parce que je ne m'occupe pas que de Gaïa mais des autres projets en astronomie. Donc je dois jongler entre l'envie de passer des heures à les écouter et le fait qu'il faut aussi aller passer des heures à écouter les autres. Donc vous êtes le coordinateur des programmes astrophysiques au CNES, on peut dire ça ? Voilà, c'est ça. Ok, et puis moi-même, je suis Paul Debrême, animateur scientifique, animateur d'événements scientifiques, et je suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois. Et puis il faut saluer aussi nos twittos qui sont là, qui vont, donner de l'ampleur à cet événement, puisqu'on va en parler sur la twittosphère, et vous-même, vous pouvez vous exprimer sur Twitter avec le hashtag CNESTweetup. Alors, Gaïa a été lancée en 2013, François Mignard. Et alors, vous venez, là, c'était en septembre, vous venez de remettre le premier batch de données. On récupère des tas de données avec Gaïa. Et là, vous venez de récupérer, fournir à la communauté scientifique une grande quantité de données. C'est une fierté pour vous d'avoir... C'est une étape importante, là. D'abord, on était très impatients de le faire, hein, bien évidemment. Avoir un moment bien précis dans la mission dans lequel des données... compréhensibles par les scientifiques sont mises à disposition. C'est pas les données brutes. Compréhensibles, ça veut dire qu'il y a du travail. Ce qui descend d'un satellite, c'est totalement incompréhensible si on n'est pas préparé. Ça, c'est ce qu'on appelle des données brutes. Il y a beaucoup de travail pour passer des données brutes à des données intelligibles, c'est-à-dire que d'autres scientifiques sont capables d'exploiter avec leurs propres données qui pourraient provenir d'autres instruments. Donc le 14 septembre 2016, on a eu la première remise de données. Sur combien d'objets ? Alors, il y a un milliard d'objets. Un milliard d'objets, pour lesquels on a donné la position très précise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fournit ? On fournit la description du ciel à un instant donné, dans la même lignée que Hipparque, il y a 2000 ans, 2100 ans, a décrit le catalogue avec 1000 étoiles. Mais le but, c'est de dire, voilà comment était le ciel au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y avait cette étoile-là, il y en avait une autre ici, 3 degrés plus loin, une autre, etc. À l'époque, ils pensaient que le ciel était éternel. On pensait que c'était fixe, surtout. Oui, qu'il était éternel. C'est ce que je veux dire. Et puis, il n'y avait pas l'idée que, hors des étoiles visibles, il y en avait d'autres. Il a fallu attendre les premières lunettes pour s'apercevoir que le ciel était infiniment profond et qu'il y en avait beaucoup, que seul notre œil et sa puissance limitée donner cette impression d'un ce que vous appelez une myriade, qui est en fait très limitée. Myriade, ça veut dire 1000. Myriade, ça veut dire 10 000. 10 000, pardon. Sens strict. Et on n'en voit pas 10 000 à l'œil nu. À un moment donné, quand il fait très beau, on en voit 2 000, 3 000, mais pas plus. Hein. Sur un hémisphère. Sur un hémisphère. Voilà, d'accord. Sur un hémisphère. Alors, c'est une révolution, ce Gaïa, Olivier Lamarre ? J'ai pas compris en quoi, là, encore. Alors, je vais essayer d'être bref, parce que sinon, on va passer la soirée. Vu de ma lorgnette que je ne suis pas un astronome, on comprend tous l'importance des géomètres. C'est-à-dire dans l'histoire des civilisations humaines, les géomètres ont joué un rôle de premier plan. Il a fallu borner les territoires, que ce soit pour, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis d'un État, vis-à-vis de l'État voisin. Donc les géomètres ont toujours joué un rôle important. Et puis il y a eu des missions particulières mandatées par les rois à certaines époques pour faire des relevés de géométrie sur Terre. Gaïa, c'est à peu près ça à l'échelle de la galaxie et même au-delà, comme vous l'avez dit. Donc c'est le géomètre de la galaxie, c'est-à-dire que on a jusqu'à présent une vue essentiellement 2D, c'est en proche, même avec des télescopes puissants, on voit tous des objets qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par contre, on les voit à plat, on ne connaît pas leur distance. Alors on a un certain nombre de méthodes pour inférer leur distance qui sont en général indirectes, c'est-à-dire qu'on se dit bon voilà, tel objet, on le voit faible, on connaît à peu près ce type d'objet. Donc faible, ça veut dire pas lumineux. Pas lumineux. Ouais. Si on le voit peu lumineux, c'est-à-dire que voilà, on fait une règle de 3, c'est qu'il doit être à peu près à telle distance. Hein, il doit être loin. S'il est faible, il est loin. Bon, voilà. Mais c'est quand même à la louche, on va dire. Ah. Alors Hipparchos a été parmi les premiers grands catalogues permettant de faire ça. Hipparchos, c'était 100 000 objets. Satellite européen, au début des années 90. Donc c'était 100 000 objets. Avec Gaïa, on passe à 1 milliard, sans doute plus. Donc c'est 10 000 fois plus. Et surtout, Hipparchos, c'était le voisinage du Soleil. Et Gaïa, on va sonder et aller mesurer des positions des étoiles jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Pour donner une échelle, c'est comme si Hipparchos avait fait la géométrie de Paris et Gaïa va faire la géométrie de la France. Et alors ça, c'est des implications importantes, François Mignard ? Ça dépend pour qui. Les astronomes. j'ai dit les astronomes, les astrophysiciens, les cosmologistes, ils sont intéressés par ça. Parlons des implications, parce que c'est une question qui se pose sans arrêt. Elle va peut-être être posée, c'est à quoi ça sert. Voilà, c'est donc, à peu près celle que j'ai posée. Alors les implications dans la vie quotidienne, elles ne sont pas immédiates à décrire. Hein. Il y en a, mais elles ne sont pas tout à fait bien. Donc au départ, c'est... Comme toute aventure scientifique aujourd'hui, c'est une réponse à une interrogation, à une curiosité. Où elles sont, mais la même curiosité que celle qui fait que ces jours-ci, il y a eu, vous avez peut-être vu dans la presse, des articles de gens qui se sont intéressés à la quantité de viande que mangeaient les araignées. C'est pas passionnant. On s'est aperçu qu'il y avait 400 millions de tonnes par an, c'est-à-dire plus que ce que les hommes mangent. Ah d'accord, en viande. Pas mal. Hein, bon, bah, ça c'est de la curiosité. Et on s'intéresse à ce qu'il y a dans la nature. Et donc une partie de cette astronomie répond à cette simple curiosité qui a amené les voyageurs à traverser les mers pour aller voir ce qui se passe après, comme aujourd'hui on essaie d'aller sur Mars. Donc la première réponse c'est ça, c'est une quête dont chacun a indirectement besoin. C'est-à-dire au sens, si on ne l'a pas, il y a un manque. Et dans notre vie quotidienne, par exemple, il y a maintenant 20 ans, quelqu'un a vu qu'autour des étoiles, il existait des systèmes planétaires. C'est une découverte absolument extraordinaire pour l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas d'utilité pratique, mais c'est une question qui est posée depuis 2000 ans. Depuis 20 ans, on sait que ça existe. Et pour ça, c'est le résultat de gros investissements, même si l'opération en question n'a pas de gros matériel. C'est l'histoire de l'astronomie qui a amené ça, l'opération des instruments. Et Gaïa, dans cette continuité, on a une interrogation. Voilà, où sont les étoiles? Que font-elles? Comment fonctionnent-elles? Est-ce qu'il y en a qui sont passées près de chez nous il y a 1 million d'années? Parce que les étoiles, normalement, on apprend qu'elles ne bougent pas. Donc elles bougent, en fait. On apprend jusqu'en 1715, à peu près. Hein, voilà. 1715, chacun disait les étoiles sont fixes. Alors ça veut dire quoi, les étoiles sont fixes? Ça veut dire que le dessin que l'on voit dans le ciel de la Grande Ourse, de Cassiopée, est apparemment immuable. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. Hein. Donc elles ne bougent pas sur le plan du ciel. Ça ne nous dit rien sur ce qu'elles font comme ça. Ça ne nous dit rien sur ce qu'elles font globalement. Mais en tout cas, les astérismes, ce qui est dessiné, est invariable. Et lorsque les Grecs ont introduit cette conception de la sphère des fixes, c'est comme ça que ça l'appelle, ils ne l'ont pas fait par dogme. L'ouvrage fondamental d'astronomie du IIe siècle après Jésus-Christ, de Ptolémée, vous allez au chapitre concernant les étoiles, et ça commence... Mes prédécesseurs, Aristillus, Hipparque, ont décrit le ciel, ont décrit des alignements, l'étoile de la Lyre et de l'étoile de on sont alignés, elles le sont encore aujourd'hui, avec une précision compatible même, avec ce qu'ils faisaient, à l'œil nu. Et de là, il a dit, ben voilà, il est clair que, sur 200 ans, 300 ans, les étoiles n'ont pas de mouvement les unes par rapport aux autres, et d'où est venue cette conception de la sphère des fixes? C'est pas du tout métaphysique, c'est totalement expérimental. Et jusqu'en 1715 à peu près, ce dogme n'est pas remis en cause. parce qu'on n'a jamais vu de mouvement, on n'a jamais vu de variation de ces petits dessins. Et un jour, l'astronome, dont le nom est très connu, Edmund Halley, a déclaré qu'il y avait trois étoiles, Arcturus par exemple, qui semblaient avoir bougé depuis les mesures qui avaient été faites par, dans le monde de l'islam. Donc 8e, 9e, 10e siècle, leurs coordonnées par rapport à l'écliptique, donc où elles étaient par rapport au plan de l'orbite de la Terre au Soleil, semblaient avoir varié. Il avait bien fait aller de prendre l'écliptique. S'il avait pris l'équateur, c'était beaucoup plus difficile. L'écliptique et la hauteur de l'écliptique, c'est parfait. C'est la meilleure signature qu'on puisse avoir parce qu'elle n'est pas influencée par d'autres mouvements. Et il a dit, il semble que les étoiles aient un mouvement. C'est une rupture. C'est une rupture. Et 50 ans après, on avait la première liste d'étoiles avec des mouvements sur le ciel. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel, les planètes tournent autour du Soleil. Ouais. En gros, c'est un plan moyen. C'est, plus précisément, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Et grossièrement, c'est le plan orbital des planètes. Et donc, on s'est mis à s'intéresser à ces mouvements des étoiles. On a vu que non seulement c'était généralisé, mais ça ne peut pas se voir à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'échelle d'une vue humaine, sauf à faire des mesures d'astrométrie. Et c'est des marqueurs de quelque chose de beaucoup plus important, puisque ça a amené après à concevoir des mouvements d'ensemble, c'est-à-dire que, et s'apercevoir que les vitesses relatives se comptaient en dizaines, centaines de kilomètres par seconde. Et après, on arrivait à la galaxie, à comprendre que la galaxie, c'est un grand système comme ça, qui a aussi un mouvement d'ensemble, et on en voit la manifestation par ces mouvements relatifs des étoiles les unes par rapport aux autres. Donc Gaïa continue cette entreprise qui a été démarrée il y a 2 siècles et demi. Donc les étoiles bougent, les étoiles elles sont dans la galaxie, il y a d'autres galaxies avec encore d'autres étoiles évidemment, et on peut, grâce à Gaïa, mais aussi en comparant les données de Gaïa et celles obtenues par Hipparchos, voir quel a été le mouvement au cours des années passées de certaines étoiles. Et alors, il y a un film qui a été réalisé qu'on peut trouver sur l'Internet. Et là, je vous ai fait un petit arrêt sur image. Donc, si vous allez page 7 du petit livret, vous allez voir cette image. Olivier Lamarre, vous connaissez bien cette image. Est-ce que vous pouvez la décrire, ou François Mignard d'ailleurs? Mais c'est un moment dans le film où voilà, on est en train de se promener dans notre galaxie. La galaxie, c'est quoi? Il y a 100 milliards d'étoiles, 200 milliards d'étoiles, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Donc c'est un disque. On va se promener à l'intérieur. Et puis on se retrouve avec ces petits points-là. Si vous pouvez nous décrire ce qu'on voit. Alors cette vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube. Hein, si vous tapez M44 Gaïa, vous allez la trouver. Et donc c'est une vidéo qui nous propose une sorte de voyage virtuel basé sur les données de Gaïa dans la galaxie. Donc on est comme dans un vaisseau qui part de la Terre, ou de Gaïa disons, qui n'est pas très loin de la Terre à cette échelle-là, et qui se promène dans la galaxie. Donc on voit un peu, hein, comme dans Star Wars ou dans la folle histoire de l'espace, les étoiles qui passent à côté. Là, ce serait mieux avec des lunettes 3D, mais bon, ça donne quand même bien l'image. Dans un premier temps, on voit... On avance, hein, au milieu des étoiles. Il y en a qui bougent, parce qu'on se déplace au milieu des étoiles. Et à un moment donné, à la minute 2:27, si je me souviens bien, vous allez voir... Alors, les étoiles, on ne distingue rien de particulier. Elles sont réparties sur le ciel, il y en a un peu partout. On ne voit rien de particulier. Et à un moment donné, les auteurs de la vidéo ont représenté, par les petits traits que vous voyez ici, le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement propre des étoiles, c'est-à-dire le mouvement apparent sur le ciel. En fait, je pense que c'est... François me confirmera, mais je pense que c'est basé sur les mouvements depuis Hipparchos. Donc, oui, c'est ça. Hipparchos. Non, moi, je crois avoir vu ça. On ne l'a pas tout à fait dit, mais vous aurez compris qu'Hipparchos a fait une sous-partie de la galaxie. Gaïa va faire une partie beaucoup plus complexe. Donc, en particulier, les étoiles d'Hipparchos, ces 100 000 étoiles d'Hipparchos, ont été revisitées par Gaïa 20 ans plus tard. Donc, elles se sont déplacées entre-temps. À la précision de Gaïa, on voit très bien ces déplacements. Donc, ces petits traits représentent les déplacements de ces étoiles depuis 20 ans. Et là, surprise... On s'aperçoit que, alors qu'un certain nombre d'étoiles tout autour du dessin ont des mouvements un peu aléatoires, hein, dans tous les sens, avec des longueurs de déplacement variables, vous apercevez au milieu un groupe d'étoiles qui ont toutes quasiment le même déplacement, à la fois en direction et en longueur. Et elles vont toutes sur la gauche du dessin. Elles vont toutes vers la gauche du dessin, un peu comme un petit groupe d'étoiles pressées là, qui traversent l'image. Et ça met en évidence un amas d'étoiles, c'est-à-dire un amas ouvert, c'est-à-dire un groupe d'étoiles qui se sont formées en même temps dans un même nuage de poussière et de gaz, dans un événement, une séquence d'événements assez cataclysmique, il y a environ 600 millions d'années. Et donc ce nuage était en mouvement dans la galaxie, et donc les étoiles qui sont nées dans ce nuage mais continuent ce mouvement et sont promises à un destin relativement commun. et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut remonter dans le temps d'où elles viennent, hein, en prolongeant là, on les voit, là on voit où elles vont, mais ce que vous dites c'est qu'on pourrait finalement faire passer le film en arrière, tout à fait. Dans le sens inverse, tout à fait. Et remonter dans le temps et imaginer ce que, où elles étaient par le passé. On pourrait représenter la galaxie telle qu'elle était dans le passé, alors avec les approximations dues au modèle qu'on imagine, parce que là on a un petit trait, mais évidemment il faut prolonger ce trait, qui n'est peut-être pas droit, bien sûr. Néanmoins, d'ailleurs, sur le site de l'ESA, il y a des vidéos qui ont été faites par l'ESA, enfin une application qui a été faite par l'ESA au moment d'Hipparcos, à l'époque d'Hipparcos, qui fait ça. C'est-à-dire que vous pouvez bouger le curseur pour remonter dans le temps ou avancer dans le temps pour voir à quoi ressemblera le ciel dans le futur, en extrapolant ces mesures. Voilà, on a fait un petit insight, un petit tour là, de Gaïa, juste un tout petit... Une petite pêche comme ça, avec Gaïa, autour de ces histoires de mouvements d'étoiles. Mais vous avez compris qu'avec Gaïa, on va étudier encore plein de choses, des quasars, des supernovées, des exoplanètes, etc. Mais je vais vous laisser le soin de poser les questions dont vous avez envie, dès maintenant, aux deux intervenants. Voilà, vous levez la main et je viens jusqu'à vous. Et vous allez pouvoir discuter directement avec Olivier Lamarle et puis François Mignard. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Est-ce que Gaïa s'est limitée à notre galaxie ou est-ce qu'elle est allée chercher aussi des étoiles au-delà de notre galaxie ? Alors, Gaïa, quand il voit une étoile, il ne sait pas si elle appartient à la galaxie ou si elle est extérieure, ou si elle est proche, ou même si c'est une planète. Donc le principe d'un satellite comme Gaïa, c'est de détecter des objets qui ressemblent à des étoiles. D'ailleurs, ce n'est pas des gros objets au sens angulaire, la Lune n'y voit pas, hein, il n'y a pas de problème. Et qui sont... d'un éclat suffisant pour être détecté par Gaïa. Alors c'est très très faible cet éclat, hein, mais il y a toujours des limites. Donc quand un objet est détecté par le système optique, il est enregistré, puis ben, on a une position. Et plus tard, éventuellement, on va avoir sa distance. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir s'il s'agit d'une étoile, s'il s'agit d'une nouvelle planète, un nouvel astéroïde, ou s'il s'agit d'un quasar, c'est-à-dire quelque chose qui est largement à l'extérieur de la galaxie. Mais entre les deux, il y a aussi des galaxies, par exemple la galaxie d'Andromède, hein, chacun connaît le nom. Donc notre galaxie, typiquement, c'est 100 000 années-lumière. Et la première... De diamètre. De diamètre, hein, voilà. Notre monde, où sont groupés nos 200 milliards d'étoiles. Quand on sort de cette galaxie, donc de ces 100 000 années-lumière, on tombe dans ce qu'on appelle le vide intergalactique. Et de temps en temps, on retombe sur une autre galaxie. Alors prenons la première grosse, celle qui est relativement comparable à la nôtre, elle est à 2 200 000 années-lumière. Voilà, donc on va. Et là, c'est suffisamment près pour que Gaïa soit capable encore de voir des étoiles individuelles. C'est-à-dire que lorsqu'il voit une étoile, peut-être qu'elle appartient à ça. Peut-être qu'elle appartient à ces fameux nuages de Magellan, qui sont des galaxies un peu plus proches mais plus petites, qu'on voit bien dans l'hémisphère sud à l'œil nu. Je prends Andromède parce qu'on le voit, pas à l'œil nu, mais avec une petite lunette dans l'hémisphère nord. Donc ce n'est qu'à la fin qu'on est capable de dire ça. Donc Gaïa, si l'objet est suffisamment concentré dans sa production de lumière et suffisamment brillant, alors on le verra. Et ça peut être une étoile, mais ça peut être également un quasar, c'est-à-dire une galaxie excessivement compacte, et là, excessivement lointaine. Hein. Là, on parle en milliards d'années-lumière. Voilà. Alors, je voulais signaler aux personnes qui sont au rez-de-chaussée qu'on va venir vous voir, hein, avec un micro, et vous allez pouvoir aussi discuter directement avec Olivier Lamarle et François Mignard. C'est peut-être le moment quand même d'expliquer comment ça marche, ce Gaïa. On a deux télescopes à bord. Oui. Et vous m'avez dit, on a un fil d'araignée. C'est quoi cette histoire de fil d'araignée ? J'ai dit que c'était comparable encore à... Encore comparable, les araignées, un fil encore les araignées, oui. Mais je suis un photographe d'araignées, donc j'aime les araignées. Alors, pourquoi j'ai parlé de fil d'araignée ? Parce que Gaïa, quand vous imaginez donc, qu'on lance un télescope dans le ciel, a priori, on se dit, il fait des photos du ciel, puis après on descend les photos au sol, et puis on voit les petites étoiles comme ça. Gaïa fonctionne absolument pas comme ça. C'est un système qui tourne sur lui-même, donc, et puis admettons, au centre, on va tracer un fil, hein, virtuel maintenant, et puis il voit quand une étoile... Au centre de la visée. Hein. Au centre de la lunette, visée, voilà, ça. On met une petite direction qui est matérialisée, et lorsque l'étoile passe devant cette direction, pof, on déclenche le chronomètre. C'est-à-dire l'information que l'on a, ce n'est pas où sont les étoiles les unes par rapport aux autres, c'est à quel instant, dans la rotation de Gaïa, une étoile est passée très précisément le long de cette direction. Donc j'ai employé le mot fil d'araignée dans notre discussion parce que ça correspond, dans son principe, à une méthode qu'ont utilisée les astronomes depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, au lieu de faire tourner leur télescope, ils les mettaient sur Terre et ça tournait en 24 heures. Donc c'est la Terre qui tournait. Dans Gaïa, il faut le faire tourner et ça tourne en 6 heures. Donc on a une espèce de Terre qui est le mouvement de Gaïa sur lui-même qu'on fait tourner exactement en 6 heures au lieu de 24 heures. Et ils utilisaient vraiment un fil d'araignée. Hein. C'est pas... Oui, il y a eu, les astronomes ont utilisé des fils d'araignée, effectivement, au 17e, 18e, parce que ça a des vertus intéressantes. C'est très fin, c'est peu variable avec l'humidité, comme soi, et c'est très solide. Voilà. Hein, le rapport entre le diamètre et la solidité, on ne sait pas faire. Quasiment aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on avait de mieux. Donc, certains astronomes étaient capables de prendre du fil d'araignée, de tisser. Donc, je suis Gaïa, je tourne sur moi-même en 6 heures, et dès que je vois quelque chose qui ressemble à un point lumineux, je regarde à quel moment il touche mon fil d'Ariane, je mesure le temps qu'il le met à passer. L'heure à laquelle il passe. D'accord. Alors, ça ne me donne pas la position. Ça ne me donne pas tout à fait la position. Et ni la position 3D. Alors c'est peut-être là qu'on peut aller à l'image numéro 2. Voilà. Image numéro 2, vous allez tout comprendre, là, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le principe. Il faut faire du travail. Il est célèbre. Alors, on va prendre l'observation... Le principe, c'est la parallaxe. Voilà, on va déjà prendre l'observation de deux étoiles pour comprendre pourquoi ce temps vous donne quelques étoiles. Hop, vous avez une étoile qui passe, vous mettez le chronomètre en route, 20 secondes plus tard, il y en a une deuxième. Si vous connaissez la rotation, la vitesse de rotation de Gaïa, vous savez donc la distance angulaire qui est entre deux étoiles. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, au départ, la rotation de Gaïa. Comment on fait pour déterminer la vitesse de rotation d'un satellite? Eh bien, on prend des étoiles. Donc, c'est un système qui se mord la queue. Ah oui, je vois. Oui. A priori, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas, votre affaire, là. Je suis désolé. Hein, je suis désolé de vous l'apprendre. Pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que, quand ça a tourné comme ça, ben, à un moment donné, vous revenez à une étoile que vous avez déjà vue. Et là, vous savez que vous avez fait un tour. Donc, il y a un endroit où il y a une contrainte qui est égale exactement à 2π, à 360, et que vous avez le temps pendant lequel ça s'est fait, et vous savez que ça fait exactement 360, donc vous avez la vitesse. Et à ce moment-là, vous en servez pour les autres, et vous avez donc les distances qui séparent les étoiles des autres grâce à ce tour de 300 degrés. En gros, d'accord. C'est ça, hein, le concept. C'est bien sûr dans les détails un petit peu différent. Alors, comment Alors, à partir je tourne des sur moi-même, et puis par ailleurs, moi, Gaïa, je tourne en plus autour du Soleil. Gaïa se déplace. Il est en orbite à 1 500 000 km de la Terre, donc grossièrement, à l'échelle du système solaire, il est au voisinage de la Terre. Oui. Donc il suit le mouvement de la Terre annuel autour du Soleil. Donc 150 millions de kilomètres de rayon, une fois, il est 300 millions. Donc en se déplaçant comme ça, on observe le ciel avec différentes perspectives. Si les objets ne sont pas à l'infini par rapport à cette dimension de 300 millions de kilomètres, effectivement, on va les voir dans des directions un petit peu différentes. On va avoir un espèce de mouvement de balancement des étoiles qui est excessivement petit parce que les étoiles sont lointaines. Dans son principe, cette idée, elle est ancienne. Archimède l'a mentionné comme une possibilité, même sans parler du mouvement de la Terre autour du Soleil ou du Soleil autour de la Terre. Et lorsque Copernic, donc 1543, a fermement déclaré, établi que ce qui se passait dans le monde réel, c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil, les gens lui ont dit « Halt, c'est pas possible. Si la Terre tournait autour du Soleil, alors on verrait les étoiles se balancer. Comme on ne le voit pas, c'est donc que c'est la Terre qui est au centre. » Ils avaient envie, en plus, qu'elle soit au centre. Ils avaient bien raisonné. Voilà. Le raisonnement est très facile. Alors Copernic disait « C'est exact, mais si on ne le voit pas, c'est que l'orbite de la Terre est une tête d'épingle par rapport à la distance des étoiles. » Donc c'est un argument assez faible. C'est-à-dire qu'à la télévision, aujourd'hui, il se ferait ramasser dans un débat avec une réponse comme ça. Il n'a pas une réponse convaincante. Aujourd'hui, on peut dire plein de choses, hein, sans être interrompu. Hein. C'était vrai. Et il n'y avait pas moyen de dire, mais il avait raison. Il disait, on verra plus tard, peut-être qu'un jour, nous serons capables de voir cette petit déplacement annuel des étoiles, et on l'a vu pour la première fois en 1838. 1838, d'accord. Alors, c'est page 2, vous voyez effectivement, c'est Gaïa hein, qui tourne autour du Soleil. On voit qu'il regarde à deux reprises la même la même étoile. Et sur le petit rectangle de gauche, on voit que l'étoile, eh bien, elle se trouve plutôt à droite en janvier. Et puis dans le rectangle de droite, eh bien, la même étoile se trouve plutôt à gauche en juillet. Donc effectivement, on a eu, c'est ça qui permet de mesurer des distances entre les étoiles. Voilà. Alors là, ce qu'on voit sur l'image, on voit effectivement ce qu'on voit dans le ciel. Si on avait effectivement extrait un petit champ comme ça, un petit carré de même dimension. Dans ces petits dessins, on voit l'étoile jaune qui est celle qui est proche et des étoiles qui sont dessinées en blanc qui sont censées être beaucoup plus lointaines. Donc l'étoile proche se déplace par rapport à l'étoile lointaine parce que les autres ont un petit balancement plus petit. Alors Gaïa, il ne fait pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Gaïa, il est capable d'avoir la distance, de voir le mouvement d'étoiles jaunes sans voir les étoiles blanches qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il voit de façon absolue, d'une certaine mesure, comment cette petite direction par rapport au plan de l'orbiteur a légèrement varié. La méthode qui est là, c'est la méthode qui a été employée jusqu'à Gaïa pour effectivement avoir des distances. C'est-à-dire on regarde par rapport à d'autres étoiles en faisant l'hypothèse que les autres sont beaucoup plus loin. Gaïa, il fait ça en disant, même s'il n'y avait qu'une seule étoile, dans son principe, Gaïa serait capable de voir qu'elle a un écart d'opposition au cours de l'année par rapport à une autre référence, en gros par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. François Minard, il y a Mehdi qui a quelque chose à dire. Nous voyageons dans tout l'espace avec nos règles, nos décamètres. On nous appelle les géomètres de l'espace, oui c'est Gaïa. Un jour ici, un jour ailleurs, du temps nous bougeons le curseur pour étudier tous les mouvements des astres, des étoiles. Quel bonheur de trouver des choses éclatantes, une galaxie ou même un quasar, des objets un petit peu bizarres. D'une distance de plusieurs milliards de kilomètres, nous voyageons dans l'univers comme une araignée dans sa toile. Mais nous ne mangeons pas de viande, nous nous délectons des étoiles. Il n'y a pas d'araignée au menu ici, au Café du Pont Neuf. J'ai bien regardé la carte, il n'y en a pas. Une question en haut et ensuite une question en bas. Notre musicien a parlé de milliards de kilomètres, c'est gentil de sa part, mais on est très très en dessous de la réalité, puisque un milliard de kilomètres, ça nous mène même pas au niveau de Saturne à peu près, je crois, plus près de Jupiter. Là, il s'agit de distances très très grandes. Et si on veut mesurer des choses à l'autre bout de notre galaxie, je ne parle même pas des autres, mettons 100 000 années-lumière, ça fait beaucoup. La parallaxe, ça a donné l'unité de mesure, le parsec, qui vaut 3 années-lumière, 26, je crois. Enfin bon, 3 années-lumière, je vais compter. Donc ça veut dire que quand on est à 100 000 années-lumière à l'autre bout, on est à peu près à un 30 millième de seconde de parallaxe. Jusqu'à combien vous allez? Parce que quand vous avez mesuré un milliard d'étoiles, est-ce que c'est le milliard le plus proche ou est-ce que c'est réparti sur l'ensemble de la galaxie? Alors, d'abord, le point qui est fait en termes quantitatifs, c'est un 30 millième de seconde d'arc, c'est la réalité. Alors, on va prendre des unités qu'on utilise dans Gaïa. Au lieu de parler de seconde d'arc, on parlera, dans certains cas, en millième de ça. C'est plus pratique, on s'appelle le millième d'arc seconde. Et pour Gaïa, c'est encore plus pratique de prendre le millionième. Donc, on appelle ça le micro-arc seconde. Donc, le 1 30 millième de là-bas, ça veut dire 30 micro-arc secondes. 30 microarcs secondes, c'est la précision que Gaïa est capable d'obtenir en direction angulaire d'un objet, les uns par rapport aux autres, pour un objet de magnitude moyenne. Hein, pas la fin du catalogue, mais autour de... Ça se mesure en magnitude stellaire, hein, de 0... Les étoiles les plus faibles à l'ONU, c'est magnitude 6. Là, magnitude 15, on a à peu près à ce 30 microarcs secondes. Donc il y a des étoiles super géantes, extrêmement lumineuses, qui peuvent être aux confins de la galaxie, et suffisamment brillantes pour avoir cette précision. Mais le point important, c'est que ce n'est pas une étoile simplement qui donne la distance. Quand vous avez ce petit diagramme-là qui a été vu, là, on voit un amas. Toutes ces étoiles-là, il y a beaucoup d'amas dans la galaxie. C'est-à-dire des groupes d'étoiles qui sont à la même distance. Je vous ai parlé tout à l'heure des nuages de Magellan, il y en a plusieurs dizaines de millions. Gaïa va mesurer plusieurs millions. Ce groupe, toutes les étoiles sont à la même distance. Donc ici, quand on en mesure 100, en gros, on a la précision améliorée d'un facteur 10. ça s'améliore comme la racine du nombre. Hein. Si j'en mesure un million, et que tout va bien dans l'instrument, hein, faut pas prendre la statistique de façon aussi simple que ça, mais en théorie, c'est 1000 fois plus précis. Donc on peut atteindre ce 30 microarcs/secondes avec quelques centaines d'étoiles, pour autant qu'on soit capable de dire elles sont à la même distance. D'autres questions peut-être ? Ce serait par rapport à la trajectoire de Gaïa. On sait qu'elle va voyager, mais est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'elle risque pas, par exemple, non, pas dévier. Si, percuter justement un objet tel un astéroïde, non. Ou bien peut-être même tomber dans une étoile. Dans ce cas-là, la mission serait totalement fichue. Alors, on va commencer par le plus facile. Alors, les risques de collision. Voilà. Une étoile, on n'est pas trop inquiet, puisque, comme l'a dit François, bien que Gaïa soit à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ça reste voisinage proche de la Terre, donc quelque chose qui est tout petit par rapport à l'échelle du système solaire, sachant que la première étoile la plus proche est déjà à 4 années-lumière à l'extérieur de ce système solaire. Donc, on est dans le petit du petit, donc ça c'est bon. Ensuite, il y a les autres satellites. Alors Gaïa est un point qui s'appelle le point de Lagrange. C'est quand on trace une droite du Soleil vers la Terre et qu'on la prolonge au-delà de la Terre, donc il est côté nuit de la Terre, il est à 1,5 million de kilomètres, à comparer aux 150 millions de kilomètres de la distance Terre-Soleil. Donc il est à 1/100 de la distance Terre-Soleil, mais de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. Et alors en fait, il n'est pas exactement à ce point. Il tourne autour de ce point. Il tourne autour de ce point avec une orbite qui, je crois, de l'ordre de 400 000 km de diamètre. Donc c'est énorme. Les satellites qui tournent autour de la Terre sont au plus loin. Ils sont à 36 000 km de la Terre. Là, c'est 400 000 km autour de ce point virtuel qui est stable autour de... donc 1,5 million de kilomètres. À cet endroit, à ma connaissance, il y a 3 satellites actuellement qui tournent avec des orbites différentes autour de ce point. Donc, ce n'est pas vraiment encombré. Hein. On est assez tranquille. Et on sait parfaitement où ils sont, puisque les deux autres, en plus, ils sont aussi à nous. C'est Herschel et Planck, qui ont terminé leur mission, mais dont on sait parfaitement encore les suivre. Et on sait où ils sont. Après, reste la question des astéroïdes et plus généralement des micrométéorites. Alors, tout ce qui est objet de plus de, on va dire, de quelques dizaines de centimètres, pas très loin de la Terre, sont répertoriés, sont suivis, en particulier par les Américains, pour la sécurité de leurs propres satellites. Donc les gros objets, on les suit, on sait où ils sont, et si jamais il y avait un risque, c'est très faible vu la densité de ces objets, on a des moteurs sur Gaïa, donc on peut déplacer Gaïa le temps que l'astéroïde passe, tout va bien. On le fait couramment pour des satellites en orbite basse autour de la Terre. Après, il y a la question des micrométéorites, donc c'est des petits grains de poussière qui sont beaucoup plus nombreux, et ceux-là ne détruisent pas les satellites. Ils peuvent provoquer une perturbation momentanée, une petite perte d'attitude, c'est rattrapable. C'est relativement fréquent sur des satellites. En général, ce qui est touché, c'est les grands appendices, donc les panneaux solaires, et là sur Gaïa, c'est le grand bouclier. Vous avez peut-être vu sur les images le grand bouclier par soleil qui est au-delà. Donc on risque de faire un petit trou dans ce grand bouclier. C'est pas grave, à l'échelle de un ou de quelques petits trous, c'est pas grave. On peut regarder d'ailleurs cette première page, la page numéro 1, on voit Gaïa. Est-ce que vous pouvez nous le décrire là? Et puis page 3, on voit aussi des images de Gaïa lorsqu'il était en cours d'assemblage. Comment voudriez nous Alors la page 1 là, dans laquelle il y a cette vision d'artiste, hein, ce n'est pas des photographies de l'objet réel, hein, c'est on dessine à l'avance, mais c'est comme ça que ça se trouve dans l'espace. Donc ce qu'on va déjà donner, c'est les dimensions, parce que quand on voit ça, on ne sait pas très bien ce que ça représente. Donc le disque que l'on voit sur le bas, hein, c'est très gros, ça fait 10 mètres de diamètre. Hein, donc c'est une grosse affaire, hein, 10 mètres de diamètre. Ça veut dire que quand il est lancé, il n'est pas lancé déployé, parce qu'on ne sait pas mettre ça au sommet d'un lanceur, d'une fusée. Donc il est plié comme un parapluie, hein, en deux, en trois, tout ça... Le long de la partie supérieure qui fait 3 mètres de diamètre et qui rentre juste dans ce qu'on appelle la coiffe du satellite qui l'a lancé. Et ça fait 3 mètres de haut, environ 2 mètres, 2 mètres 50 de diamètre. Ce disque qui est derrière, on l'appelle le bouclier thermique, le mot est très clair. Hein. C'est pour protéger les instruments de mesure qui sont dans la partie supérieure de la chaleur directe du soleil et maintenir la température à bord la plus régulière, la plus stable possible. Alors je vais essayer de dire ce que ça veut dire, stable. Et pourquoi ça d'abord? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit stable? Parce que c'est des instruments d'optique et quand la température, prenons un exemple, la température varie d'un degré, l'instrument il est totalement déréglé. Un degré, vous ne voyez plus rien. Là, il n'y a plus d'instrument, quoi. Un dixième de degré, Gaïa est inutilisable. Parce qu'il y a des dilatations. Parce qu'il y a des dilatations, ouais. Bien que les matériaux utilisés soient des matériaux spécialisés qui cumulent à la fois un bas niveau de dilatation et de la rigidité et de la légèreté. La température à bord, elle est stable sur quelques heures, à peu près au 10 000e de degré. Au 10 000e de degré, voilà. Pendant quelques heures. Donc, ça veut dire que quand ça bouge de 1/10 000e de degré, vous avez quelque chose qui fait typiquement 2 mètres, hein, la taille. La variation due à la dilatation, elle est de quelques angstroms. D'accord. Mais quelques angstroms, c'est à peu près l'équivalent en angle, etc., de la précision de Gaïa. Donc, si on descendait à 1 000e de degré, on ne pourrait pas utiliser Gaïa tel qu'il est défini aujourd'hui. D'accord. Et ceci, c'est totalement passif. Vous n'avez pas un climatiseur, quelque chose comme ça à bord. C'est fait par isolation. Donc, alors ça, c'est pour quelques heures. Bien sûr, au cours de l'année, de façon lente, la température peut varier un petit peu, mais elle ne varie pas de plusieurs degrés. Hein. Elle varie dans une gamme acceptable. Mais le 1/10 000e degré, c'est sur quelques heures, il ne faut pas que ça bouge. Donc c'est pour ça que le cylindre qu'on voit sur le plateau, si je puis dire, hein, oui. Quand on regarde Gaïa, le cylindre, normalement, il est à l'ombre. Et là, on a l'impression qu'il est... Le cylindre, il est à l'ombre. Voilà, on a l'impression que là, il est au soleil. Voilà, c'est la vue d'artiste. Il est à l'ombre. Le soleil, il est derrière... Et il est derrière de façon, avec une configuration géométrique invariable. C'est-à-dire que vous allez me dire, ben, on met le soleil exactement dans l'axe du satellite. Derrière, non, il est à 45 degrés. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est très, très précis, 45 degrés. Enfin, ça peut être 45,01. Ce qu'il faut, c'est que ça ne bouge pas. Hein? Alors, on ne va pas dire que c'est 45. Il se trouve que c'est très proche de 45. Hein? Donc, mais... 10 mètres et 2 tonnes aussi. Et l'ensemble fait 2 tonnes, c'est ça, 1,8 tonnes. Avec les argoles, tonnes, avec un peu de carburant, etc. La charge utile, etc. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Ça fait 2 tonnes et environ 2 kW de puissance. Alors, deux télescopes. Hein? Deux télescopes, pourquoi deux télescopes? Deux télescopes. Alors ça, c'est le principe de Gaïa. Hein, s'il y avait pas le principe de quoi, pardon? De Gaïa. De Gaïa, si oui. On n'avait pas de télescope, ça serait très, très compliqué. IPARCOS n'avait pas deux télescopes? Si, IPARCOS avait deux télescopes. En gros, vis-à-vis de Gaïa, IPARCOS a servi de démonstrateur. Alors, ce n'était pas l'objet de la mission. La mission, c'était de faire de l'astrométrie dans l'espace. Et par contre, ça a été une étape absolument essentielle. Parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était impossible. Ah bon. À cause de la stabilité qui est nécessaire à bord. Ah oui. La stabilité thermique, la stabilité des miroirs. Et au moment de la sélection d'IPARCOS, ça a été très dur, la sélection d'IPARCOS. D'ailleurs, il n'a pas, initialement pas été retenu. Hein, c'est même pas celui-là qui avait été sélectionné par les comités. Et c'est finalement le directeur de l'ESA qui est revenu. Il y a énormément de projets européens, de scientifiques qui, au même moment, sont proposés à l'Agence spatiale européenne, qui va décider parmi ceux-là celui qu'elle va effectivement lancer. Voilà, qu'elle va lancer, compte tenu de la possibilité, compte tenu des équilibres dans les différents thèmes. C'est le directeur de l'ESA qui est revenu pour reproposer et faire remonter IPARCOS. Ah, d'accord. C'est une histoire en elle-même. Je vois ça. Bien. Donc, les deux télescopes. Ça, c'est assez difficile à expliquer, mais on va le faire quand même. Eh bien, on en revient au schéma qui était là, au schéma avec la page 2. La parallaxe. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand on est au sol, avec un seul télescope, on peut effectivement détecter le petit mouvement annuel de l'étoile, qui est un mouvement apparent, hein, ce qu'on voit depuis la Terre, par rapport aux étoiles qui sont derrière. Et on fait l'hypothèse que les étoiles qui sont derrière sont effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, et qu'en gros, il n'y a pas de petit mouvement. C'est faux. Bien évidemment, à la précision de Gaïa, ceci est faux. Ça veut dire qu'on s'exclut d'office la capacité à mesurer la distance des étoiles qui sont derrière. On ne saura que celles qui sont proches. Donc pour arriver à faire ce que j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir avoir ce mouvement de façon absolue de l'étoile, et non pas relativement aux autres, c'est à ce moment-là qu'il y a besoin de ces deux télescopes. Parce qu'il faut viser dans deux directions très différentes du ciel pour que la phase où on en est dans ce petit mouvement soit différente dans le télescope de gauche et dans le télescope de droite. Alors, à un moment donné, ils sont différents, parce que c'est comme s'ils observaient, on va dire, à 4 ou 5 mois d'intervalle. Ils sont dans des directions qui, par rapport au Soleil, donnent ce qu'on va voir 4 ou 5 mois plus tard, si c'est le premier, ou 4 ou 5 mois avant. Et quand on va revenir dans la première direction avec l'étoile, 6 mois plus tard, on va aller réobserver une autre direction, qui est également décalée de 4 mois par rapport à celle-là. Et à la fin, tout ça va se mélanger de façon harmonieuse. Et avec les ordinateurs et les mathématiques, on peut revenir au déplacement individuel de chacune des étoiles sans faire référence aux autres qui sont lointaines. C'est pour ça que Gaïa donne des mesures de distance absolue et jusqu'à la précision permise par les mesures. Alors, page 3, on a des exemples de photographies qui ont été prises au moment de l'assemblage de Gaïa. Olivier Lamarle, vous pouvez nous les commenter ? Oui, alors vous voyez sur, vous voyez Gaïa en haut à droite. Alors là, c'est pas des vues d'artistes, c'est des vraies photos prises dans les halls d'intégration industrielle et de l'ESA à l'ESTEC aux Pays-Bas. Sur la photo d'en haut à droite, on voit des petits personnages à gauche, sur la gauche de la photo, qui donnent l'échelle. Ça vous donne l'échelle, voilà. Et en bas, vous voyez ce qui est particulièrement intéressant pour ce soir, c'est donc ce qu'on appelle la charge utile. Donc c'est un zoom sur la partie, l'instrument, les deux télescopes et l'instrumentation de mesure. La charge utile, c'est l'instrument scientifique. L'instrument scientifique. Donc en fait, vous le voyez en haut à gauche, donc il y a les deux télescopes sur une espèce de gros tor. Ah, moi je ne les vois pas les deux télescopes, c'est quoi? C'est les deux grands miroirs rectangulaires. Donc les deux téléviseurs qu'on voit en bas là, les deux téléviseurs 16/9, c'est ça les télescopes? Voilà, c'est ça, ça ressemble à des téléviseurs et en fait, ils renvoient la lumière vers quelque chose qui ressemble aussi à un téléviseur que vous voyez en haut à gauche, une sorte d'écran bleu. Alors, si on prend la photo en haut à gauche, vous voyez une espèce de cube, si je puis dire, noir. On dirait un peu une télé ancienne, oui. Avec un écran bleu, avec un peu des lignes dessus. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est le plan détecteur. Donc c'est dans votre appareil photo, vous avez un tout petit détecteur qui vous permet de faire des belles photos. Hein, il doit faire un millimètre, quelque chose comme ça, ce détecteur. Millimètre de quoi ? De diamètre ? Dans l'appareil photo. Oui, de diamètre. Oui, de diamètre. D'accord. Là, ce sont le même type de détecteur, mais durci, rendu résistant aux conditions spatiales, etc. Simplement, il fait, je crois, 40 cm sur 40 cm environ. Non, c'est 70 cm. C'est la plus grande caméra envoyée dans l'espace. Donc c'est 600 millions de pixels. Tout 600 ça, millions de pixels. Voilà. Donc il y a quelques chiffres à retenir parce qu'il faut saluer un peu la prouesse technologique. Gaïa, le satellite a été fait entièrement dans l'industrie, ce qui est un cas particulier parce que souvent les instruments de mesure sont faits dans les laboratoires. Les laboratoires de recherche et pas par les industriels. Voilà, et après tout ce qui est propulsion, etc., c'est fait par l'industriel et puis l'ensemble est monté. Là, c'est l'industrie qui a fait ça. Et alors Cocorico, tout ça a été piloté par ADS, donc Airbus Défense. Aujourd'hui, c'est Airbus Defense Space. Avant, c'était Astrium à Toulouse. Et c'est un bijou technologique. Hein. Tout cet ensemble, on ne peut pas assembler, pour obtenir les stabilités dont François a parlé, classiquement, on utilisait différents matériaux. Un matériau pour le télescope, qu'on montait sur des barres d'aluminium, qu'on montait sur des alliages avec du titane, etc. Là, c'est pas possible. On peut pas avoir différents éléments parce que les moindres petites variations de température vont déformer. Le télescope va se tordre de rire et ça va pas être possible. Donc il fallait tout faire dans le même matériau. Et dans un matériau ultra stable. Parce que même avec un 10 millième de degré, il faut en plus un matériau qui est très très peu sensible aux déformations thermoélastiques, c'est-à-dire aux variations de température. Donc c'est du carbure de silicium. Et là également. Carbure de silicium. Voilà. Donc c'est un matériau extrêmement compliqué à manipuler. En gros, je compare ça un peu aux émaux pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que vous fabriquez la forme que vous voulez, vous la mettez au four et vous priez pour que quand vous rouvrez le four, vous aurez ce que vous espériez. Parce que ce que vous assemblez au départ, c'est une sorte de poudre qu'on compacte et qu'on cuit. Et évidemment, à la cuisson, il se passe des choses et vous espérez quand vous allez ressortir le truc, ce sera bien ce que vous espériez. Donc, on avait déjà, Astrium en particulier, avait déjà fait des miroirs, par exemple pour Herschel, des pièces, mais jamais... Herschel qui est un grand télescope de l'ESA. Mission de l'ESA, oui. Mais jamais tout un ensemble de pièces compliquées qu'il faut ensuite assembler par des rasures très spéciales qu'il a fallu inventer, donc des technologies d'assemblage. Et pour vous donner un ordre d'idée de la stabilité de cet engin qui donc fait à peu près 2 mètres de diamètre avec des miroirs... de 1 mètre 50 pour vous donner. Qu'est-ce que vous appelez l'engin qui fait 2 mètres de diamètre ? Toute cette charge utile que vous voyez en haut à gauche. Donc ce qu'on voit en haut à gauche, c'est la charge utile, hein, c'est ce qui est dans le cylindre. Hein, voilà, donc c'est le tor, c'est une structure qui. Le tor, c'est-à-dire l'espèce de pneu, hein, si je peux dire. L'espèce de pneu. Vous voyez les deux grands miroirs principaux qui font à peu près 1 mètre 50, je crois, dans leur plus grande dimension. Bon, il y a d'autres miroirs de renvoi qu'on ne voit pas trop, mais qui sont à l'intérieur du tor. Au total, je crois qu'il y a plus de 10 miroirs sur le. Oui, c'est ça. Sur chaque voie, donc c'est extrêmement compliqué. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on ferait un télescope au sol qui ferait 1 mètre 50 de dimension, avec toutes ses optiques, sa structure, etc. Au sol, on n'est pas embêté par des histoires de masse. C'est un télescope qui ferait plusieurs tonnes, peut-être même plus de 10 tonnes. Il n'est pas question d'envoyer ça dans l'espace. Donc là, on a envoyé deux télescopes pour 2 tonnes. En fait, c'est même pas 2 tonnes, parce que cet ensemble qui est monté sur la propulsion, il fait moins d'une tonne. C'est extrêmement léger. C'est extraordinairement léger. C'est une danseuse, là, que vous envoyez dans l'espace. Et pour vous donner... Alors, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit ultra stable. Et vous avez entendu 1/10 millième de degré de stabilité thermique. Et malgré tout, ces petites variations d'un 1/10 millième de degré, on arrive à les... Gaïa arrive à détecter des petits phénomènes. Alors, pour ceux qui ont une moto, par exemple, ou un scooter, vous savez que quand vous l'arrêtez, le moteur est très chaud, donc il va perdre plusieurs dizaines de degrés en quelques minutes, et on entend des petits tic-tic-tic-tic pendant que ça refroidit. Ça, ce sont des, on va dire, des réarrangements de matière, donc la matière se contracte dans le moteur, et de temps en temps, c'est pas continu. C'est-à-dire que c'est un peu comme les tremblements de terre, il y a de la pression qui augmente sur la matière, et à un moment donné, il y a des atomes qui se réarrangent à un endroit, et ça produit ce tic, et en fait, il y a un petit mouvement de matière à l'intérieur du bloc moteur, etc. Sur Gaïa, on a été très surpris au début de voir dans les mesures qu'on faisait, des variations soudaines, des pics, toc, on voyait le pointage qui sautait et puis qui revenait. Le pointage, c'est-à-dire des mouvements du télescope. Des mouvements, c'est-à-dire que la précision qu'on mesurait sur les étoiles en particulier, la vitesse de rotation, on voyait des variations très supérieures à ce que Gaïa est capable de mesurer. On ne comprenait pas ce que c'était. Il a fallu du temps pour trouver. Mais en fait, ce sont les tic-tic-tic du payload module, là, de cette charge utile, qui varie, donc on l'a dit tout à l'heure, de 1/10 millième de degré. Et ça suffit à faire des petits réarrangements d'atomes. Donc là, il doit s'agir de quelques atomes. Donc c'est totalement... On voit ça. En fait, ça existe sur ça. Ça existe on sur voit tous les mouvements de ces quelques atomes se voient dans la manière dont Gaïa va viser les étoiles. En fait, c'est quelque chose que tous les satellites ont subi. Hubble le premier. Mais c'est bien en dessous de la précision que ces satellites sont capables d'atteindre. Donc Gaïa, on a découvert ces phénomènes de matière. Ça vous donne une idée de la stabilité globale de tout cet ensemble. C'est une mouche se poserait sur Gaïa, on le verrait. Alors, d'autres interventions. Ah, c'est Mehdi, je t'en prie, prends la place. Quand Gaïa se déplace dans la grange, elle se protège avec un grand jupon. Car si elle chauffe Dieu, elle se dilate. Et c'est pas bon, et c'est pas bon. Les mesures qu'elle envoie quand elle chauffe, ramenées à l'échelle de notre pays, ça mettrait à peu près la canebière au milieu de Paris, au milieu de Paris. Et pour éviter ses deux collègues, dans la grange, elle allume ses warnings. On n'a pas trouvé mieux comme système depuis la Vespa, tic-tic, la Vespa, tic-tic. Bonsoir, je voudrais savoir, est-ce que Gaïa va pouvoir mesurer tout le ciel ou juste une partie? Et une deuxième question, c'est sur les données transmises. Il doit y en avoir énormément de données. Est-ce que Gaïa fait un traitement de données au satellite ou elle envoie tout sur Terre? Et quel est le débit de données? Alors, Gaïa, il est dans l'espace. Il est gêné par rien, pratiquement, pour observer. Enfin, la Terre est visible, bien évidemment, mais Gaïa passe jamais devant. Donc, il observe tout le ciel. Hein, il observe tout le ciel en décrivant des cercles. C'est-à-dire qu'on fait ça. Ici, on a un petit faisceau, hein, comme un phare. On balaye un cercle. Et puis après, on fait bouger un peu le cercle. Donc, en 6 mois, on a vu tout le ciel. Donc, sur une mission de 5 ans, on va dire qu'on va repasser grossièrement dans la même direction une douzaine de fois. Mais comme chaque fois qu'on passe une direction, on passe sur plusieurs tours, en moyenne, ça va faire en 70-80 fois. Chaque objet est vu 80 fois. Chaque objet sera vu en moyenne 70-80 fois au cours de la mission Gaïa. Au cours de la mission de 5 ans. Parce qu'on revient dans les mêmes directions du ciel. C'est important. Sinon, vous ne pouvez pas voir le mouvement. Si vous ne voyez qu'un objet qu'une fois, bien évidemment, vous êtes incapable de dire que ça a bougé d'une fois à l'autre. Donc, non seulement vous ne voyez pas la distance, qui est ce petit phénomène, mais vous ne voyez pas le mouvement systématique de l'étoile. Donc, c'est très optimisé pour ça. Il n'est pas question de dire « je vais observer telle région du ciel au début, telle région au milieu, telle région à la fin », parce que vous ne allez pas voir le mouvement des étoiles. Donc, il faut trouver une loi dans laquelle on revient suffisamment avec, de façon régulière dans les mêmes directions pour pouvoir détecter ça. Donc ça, ça répond à votre première question. Sur ça le... veut dire qu'on regarde tout. Hein, on regarde tout ce qui est visible par Gaïa sera vu. Dans toutes les directions. Alors maintenant, le calcul qui est fait à bord par rapport au calcul qui est fait au sol. On raconte ça de façon un peu anecdotique. Donc les scientifiques, comment ça se passe quand on fait une mission comme ça? En gros, au départ, c'est les scientifiques qui disent « Oh, on aimerait bien faire ça, parce que si on connaît les étoiles, la distance, la lumière, la température, on connaît plein de choses sur la galaxie. Ça serait intéressant d'envoyer un instrument capable de faire tel type de mesure. » À ce moment-là, les ingénieurs, éventuellement au début au CNES, commencent à regarder « Ça, on ne sait pas faire. Ça, c'est pas possible. » Alors après, bien sûr, il faut discuter. Donc quand on discute avec les ingénieurs, chaque fois qu'on dit « Ah, ça serait bien si on pouvait également faire ça à bord et faire tel type de calcul. » Top ! Ça coûte cher, ça chauffe. C'est-à-dire qu'en gros, on veut pas de chaleur. Toute multiplication, c'est de la chaleur qu'il faut évacuer. Donc les calculs à bord, c'est super limité. Alors ça ne veut pas dire que c'est une petite calculette quand même, hein, y a des processeurs assez importants. Mais on ne fait aucun traitement à bord. On envoie au sol. Donc la seule chose que l'on fasse à bord, qui est importante, c'est de sélectionner ce qu'on va envoyer au sol. C'est-à-dire que dans cette mosaïque où il y a ce milliard de pixels, dans une direction moyenne, à un moment donné, il y a, disons, entre un millième et un dix millième des pixels où il y a quelque chose, où il y a une information. Donc si on envoyait tout, comme avec votre appareil photo qui prend tout, puis il traite ça, on enverrait, en gros, entre 1000 et 10 000 fois plus de données au sol que ce dont on a besoin, c'est-à-dire que 99,99% serait du bruit sans intérêt. Donc Gaïa sélectionne, et là, il y a un travail important avec un calculateur à bord qui a décidé qu'à tel endroit, il y avait du bruit, à tel endroit, il y a une information. C'est les seuls vrais calculs qui sont faits. C'est pour réduire le débit, c'est pour optimiser. C'est pour dire le débit. Alors, on va essayer de quantifier ce débit. Là, il faut un peu plus d'habitude, mais chacun maintenant est habité au CD, des choses comme ça. Donc, Gaïa, on va dire comme ça, chaque jour qui passe, il y a à peu près 60 millions d'objets qui sont détectés. 60 millions. C'est-à-dire, toutes les fractions de seconde, il y a une étoile, une planète ou un quasar qui rentre dans le champ. Ces 60 millions, c'est des temps, pour l'essentiel, le moment où c'est passé devant le fil, et on envoie ça au sol, sous forme compressée, traitée, et ça fait 40 milliards de bytes, d'octets, par jour. D'accord. Par jour. Un giga, c'est 1024 octets. Un K, c'est 1020. Oui, alors mettez-moi ça en giga, voilà, là. Voilà. En giga. On est en giga. Voilà. Tous les jours. Ça fait combien de gigas, vous avez une idée? Alors, on est à plusieurs dizaines de... On doit être à 100 teras actuellement, à peu près. Ah oui, en tout? Ah oui, pour le moment. Oui, oui, oui. Mais en nombre d'observations... Les teras, c'est des milliers de gigas, c'est ça? Des milliers, des milliers. En nombre d'observations, aujourd'hui, après 3 ans de mission, on est à 65 milliards de mesures. Il y a 65 milliards d'observations qui sont à traiter pour sortir l'information qu'on cherche. Et tous les jours, il y en a 50 millions de nouvelles qui arrivent, ou 60 millions. Et les jours où le plan... Ce petit cercle-là est proche du plan de la galaxie où il y a beaucoup d'étoiles, il y en a à peu près trois fois plus, c'est-à-dire 300 millions d'objets dans la journée qu'il faut récupérer sur des antennes et descendre au sol. Mais monsieur demande... Combien êtes-vous pour analyser ces données? C'est le groupe, la collaboration scientifique qui a été mentionnée au début, qui s'appelle DEPAC, donc Data Processing and Analysis Consortium, qui est une collaboration de 450 chercheurs et ingénieurs, spécialistes en informatique, en traitement des données, et astronomes. De 25 pays. Qui sont, dans 25 pays, qui sont en charge de ce traitement. Alors ça fait énormément de données, Olivier Lamarle. Mais attendez, quand en 1996, la mission a été imaginée, on ne connaissait pas le big data, on ne savait probablement pas comment manipuler autant de données. Mais on se disait, en 2017, on saura faire, on saura les manipuler, toutes ces données, on saura les traiter. Alors François connaît mieux cette époque que moi, mais rétrospectivement, en tant qu'agence qui n'aime pas les risques, je me demande un peu comment mes prédécesseurs ont fait pour s'engager là-dedans. Parce que, pour vous donner une idée de ces histoires de débit, donc les données sont récupérées pendant des sessions de pause, on va dire, des antennes sol qui durent pendant des heures et des heures, certaines stations au sol, des grandes antennes. Ensuite, par des réseaux sol type Internet à haut débit, les données sont transférées en Europe à la station à Madrid, à une station de l'ESA, qui fait un premier traitement et ensuite qui envoie pour la suite des traitements les données dans d'autres centres, dont celui du CNES à Toulouse. Pour vous donner une idée, c'est qu'on, je pense qu'on n'avait pas imaginé ça, mais aujourd'hui on est gêné par les réseaux sol. C'est-à-dire que ce qui on arrive à redescendre les gigabits par jour du satellite et après ça s'engorge dans les réseaux sol qui pourtant sont pensés gigabits par seconde, etc. Mais en fait, c'est jamais, c'est comme chez vous, on vous promet le 10 gigabits par seconde, et puis quand vous regardez le moment du téléchargement, c'est à 500 mégabits par seconde, parce que, bah oui, mais on a oublié de vous dire, en fait, vous êtes en fin de ligne, c'est partagé, c'est machin, c'est truc. Et puis il y a des filtres dans les relais, etc. Donc on est gêné pour transmettre les données de centre à centre, parce que c'est trop long, ça prend des jours et des jours de se transmettre les données. On n'avait pas imaginé que ce serait ça le problème. Je vois page 5 qu'il y a une détection d'exoplanètes. Donc Gaïa ne mesure pas que des parallaxes, mesure des magnitudes aussi. La magnitude, c'est la luminosité. Alors, hein. Donc là, on va venir à ce qu'il y a à bord, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, les scientifiques disent, ce qu'il nous faut, ce sont les distances, parce qu'on ne sait pas le faire au sol à cette précision-là. Et c'est un paramètre absolument essentiel, bien évidemment, connaître la profondeur du ciel, c'est une connaissance fondamentale. Quand on a dit, une fois que ce principe est accepté, qu'on a dit, ben on va aller dans l'espace pour faire ça, ça coûte tant de centaines de millions d'euros pour concevoir le satellite pour le faire. 740, hein, en l'occurrence. Oui, au total, au départ. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, une fois qu'on a décidé dans l'espace, est-ce qu'on peut aussi mettre des instruments complémentaires qui ont un coût marginal limité pour faire des choses qu'éventuellement on serait capable de faire au sol, mais peut-être pas aussi bien, pas aussi rapidement. Donc à ce moment-là, on va en particulier mesurer l'éclat des étoiles, on va mesurer leur couleur, et on va aussi mettre un petit, ce qu'on appelle un spectroscope, qui va mesurer la qualité de la lumière et aussi la vitesse d'approche ou d'éloignement de l'étoile. Donc il y a trois instruments, en fait, dans Gaïa, qui viennent en plus de cette mesure des instants, qui sont le cœur de la mission. Donc on mesure l'éclat des étoiles et on le mesure dans plusieurs couleurs. Qui utilisent tous le télescope ? Les deux télescopes. C'est tous les mêmes télescopes. Il n'y a que deux télescopes. Et après, ça, les voies vont en différents endroits du champ dans lequel on fait des mesures différentes. Voilà, c'est cette lumière qui est analysée voilà. De manière différente. Donc on mesure effectivement l'éclat des étoiles avec une qualité tout à fait remarquable parce que dans l'espace, ça s'appelle la photométrie, la science de mesure de l'éclat des étoiles, au sol, on est fortement gêné par l'atmosphère. C'est très compliqué, la photométrie au sol, à être sûr que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on mesure de la même manière la quantité de lumière. C'est un problème qui s'est posé dès le XVIIIe siècle, quand les gens ont commencé à se dire comment mesurer la quantité de lumière. C'était conceptuellement difficile à définir, d'ailleurs. Parce que la lumière, elle est filtrée par l'atmosphère, notamment. Dans la Terre, oui. Ouais, et pas toujours de la même manière. Eh oui. Et puis ça dépend à quelle hauteur vous observez. Si vous observez vers le zénith ou un petit peu plus bas, elle n'est pas filtrée de la même manière. Avec la latitude, la composition de l'atmosphère n'est pas complètement identique. De jour en jour, elle ne l'est pas. Donc c'est la stabilité de mesure photométrique au sol est difficile à voir. Donc dans l'espace, on le fait. Pour donner une idée de la précision, une mesure, c'est-à-dire un passage unique, ça prend 40 secondes hein, quand une étoile passe. Hein. On la voit comme ça pendant 40 secondes. Elle se déplace, l'image se déplace sur la mosaïque de CCD. Et là, on enregistre la quantité de lumière. Les CCD, c'est les petits capteurs. Hein, les petits capteurs, hein, les mêmes que ceux qui sont dans les appareils photonumériques. Même principe, en tout cas. Et la précision lors d'un passage, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle, c'est une unité d'astronome, mais on va essayer de la convertir. Pour un astronome, c'est typiquement le millième de magnitude. Et en précision relative, ça veut dire également à peu près un millième. C'est-à-dire quand l'éclat varie relativement d'un millième, on est en principe capable de le voir d'un jour à l'autre avec Gaïa. Donc c'est ce qu'on voit dans cette page-là. Hein. Vous avez un petit exemple. Alors, je voudrais me permettre de vous interrompre pour dire que j'ai fait une erreur. C'est qu'on ne peut pas parler d'une découverte hein, avec WASP-19b. Hein. En réalité, l'exoplanète WASP-19b avait déjà été découverte par le passé. Et avec Gaïa, on a pris cet exemple pour essayer de voir si Gaïa serait éventuellement capable de déterminer l'existence d'une exoplanète. J'espère que j'ai été clair. Mais donc, voilà, elle avait déjà été découverte quand Gaïa l'a étudiée. Donc ce qu'on voit dans le graphique, hein, c'est un vrai graphique d'astronome, à gauche ouais. C'est l'éclat, hein, 11,56, 11,52, 11,54, gradué à l'envers, parce que les astronomes ont la mauvaise habitude de dire que plus la magnitude est élevée, plus l'étoile est faible. Donc quand c'est une magnitude 12, c'est beaucoup moins lumineux qu'une étoile de magnitude 6. Ça marche à l'envers. Donc, comme ça, il est en gradué à l'envers, on retrouve cette idée qu'en allant vers le haut, c'est plus brillant qu'en allant vers le bas. Et la partie horizontale, alors c'est un petit peu compliqué, il faut imaginer ce que c'est des exoplanètes qui sont détectées par cette méthode. Ça veut dire que vous avez une étoile, le Soleil, mais ce n'est pas avec le Soleil qu'on fait, mais équivalent au Soleil, et puis il y avait éventuellement une planète qui tourne autour. Une planète grosse comme Jupiter, et pas très loin de l'étoile. Donc par moment, si la géométrie est favorable, il peut se faire que le terrien, il est placé dans une direction par rapport à l'étoile, telle que la planète passe devant, comme une éclipse annulaire chez nous, lorsque la Lune cache une partie du Soleil. C'est ce qu'on voit dans l'image en bas, voilà, à droite. Et donc quand ça passe devant, ben, ça prend de la lumière. C'est-à-dire qu'une partie de la surface du disque étoile est cachée, et donc on reçoit moins de lumière de l'étoile. Alors la diminution est faible, elle est de l'ordre du centième, lorsque c'est Jupiter. Et il y a des missions spatiales qui ont été lancées, dont le but était de faire que de ça pratiquement. Une mission du CNES qui s'appelait Coro, une mission américaine qui s'appelle Kepler, détecte les exoplanètes, a détecté, puisque ces missions sont terminées, par cette technique. Donc Gaïa n'est pas du tout spécialisé pour ça, mais il peut le faire. C'est-à-dire, dans certains cas, on se passera devant l'étoile au bon moment, c'est-à-dire lorsque la planète sera juste au bon endroit, dans le centre. Et c'est ce qui est gradué en bas, de moins 0,5 à plus 0,5, c'est une manière de représenter l'orbite. Ça fait 1 pour faire une orbite. Quand vous êtes à 0, l'étoile est devant. Quand vous êtes à 0,5, elle est derrière. Voilà, c'est le mérite de le faire. Donc le point 0, dans ces trois cas, donc c'est la même planète, on voit effectivement une chute dans l'éclat de l'étoile qui est de l'ordre d'un centième. Ça veut dire que l'objet ici est probablement un objet de Jupiter. Et ce qui est représenté à droite, eh ben, c'est une illustration de la géométrie qui permet de voir cette chute de lumière. Donc Gaïa signifie... va détecter plusieurs milliers d'objets. Alors pourquoi va ? Parce que vous avez été lancé en 2013 et on est en 2017. Alors c'est quand la première ? Ah, elle est déjà dans la boîte. Elle est dans la boîte. Elle est dans la boîte, simplement elle n'est pas traitée pour ça. Ben, les données, elles sont là. Donc, venez de fournir les données à la communauté en septembre. Oui, mais cette analyse n'a pas encore été faite. Absolument. Cette analyse nécessite des étalonnages très fins, etc. Alors vous attendez, au terme de la mission, vous attendez à découvrir combien d'exoplanètes ? C'est difficile à dire, mais on va donner un chiffre, on en a donné des chiffres. Alors d'abord, il y a deux techniques de détection d'exoplanètes. Vous utilisez les deux. Il y a les deux techniques. Ah oui, ça c'est fort. Il y a cette technique-là qui consiste à voir un peu l'équivalent des éclipses, le passage devant, on va à la pêche. Il faut être au bon moment devant l'objet. Ça, c'est la méthode des transits. La méthode des transits. Alors, cette méthode a un gros avantage, c'est qu'elle dépend relativement peu de la distance où on est. Si l'étoile est à... une année-lumière, 10 années-lumière, 100 années-lumière, l'efficacité est à peu près la même, puisque c'est le passage devant l'étoile. Donc, on a fait des calculs, on dit que très probablement, il y en aura entre 5000 et 10000, ou peut-être 10000, 20000, par cette méthode. Vous pensez trouver entre 5000 et 20000 exoplanètes, rien que par cette méthode-là. D'accord. Et donc, il y a l'autre méthode, qui est la méthode des vitesses radiales. Non, on ne fait pas les vitesses radiales. Ah, pardon, d'accord. Dans Gaïa, il fait ce que les hommes ont toujours pensé. Pour la méthode à laquelle on a pensé dès le début pour détecter les exoplanètes. On n'a pas du tout pensé aux vitesses radiales ou à ça. On a dit, s'il y a une planète comme Jupiter autour d'une étoile, la masse de la planète est suffisante pour agir gravitationnellement sur l'étoile. Et donc, on doit voir un petit balancement de l'étoile. Donc, si c'est un an de période, ça va se confondre avec la distance, on ne va pas pouvoir le faire. Mais si c'est 6 mois ou si c'est 2 ans, il va y avoir une petite agitation de l'étoile qu'il faudra expliquer par la présence d'un astre sombre autour. Alors, il faut bien se comprendre, la petite planète, on la voit pas. Quoi qu'elle soit extrêmement petite par rapport à l'étoile, va quand même imprimer un petit mouvement gravitationnel, un petit balancement de l'étoile. Exactement. Sur elle. Et c'est ce balancement que vous allez mesurer, et vous allez pouvoir en inférer l'existence d'une exoplanète en train de tourner. Donc ça, ça a été pensé dès le 19e siècle, même 18e probablement, en disant à l'instant où... Et alors avec cette méthode-là, vous pensez découvrir combien d'exoplanètes ? C'est quelque chose du même ordre de grandeur. 5 à 20 000. Voilà, entre 5 et 20 000. Donc, grosso modo, et c'est pas les mêmes, à terme, Gaïa devrait découvrir entre 10 000 et 40 000 exoplanètes. Voilà. On est dans cette gamme. C'est énorme. Aujourd'hui, on n'en connaît que quelques milliers. On en connaît 3 500. Oui, même s'il n'est pas fait pour ça, ça devrait être un très beau découvreur d'exoplanètes. Alors, j'ai une question au fond, et puis je reviens à vous, monsieur. Oui, je voudrais en revenir un petit peu en arrière à propos de la mesure de la distance des étoiles par la parallaxe. Je pensais souvent que, enfin j'ai lu, que les rayons lumineux n'étaient pas toujours rectilignes quand ils frôlaient, entre guillemets, une étoile par la force gravitationnelle de l'étoile. Est-ce que ceci est un phénomène qui est utilisé, enfin qui est tenu en compte, ou c'est un artefact, ou ça n'existe pas vraiment ? Non, c'est une très bonne question. Gaïa met à profit ce phénomène qui a été, qui est une conséquence de la théorie d'Einstein, hein, de la théorie de la relativité générale, qui dit que les rayons lumineux, selon qu'ils passent près d'un objet massif ou loin d'un objet massif, tendent à se courber par rapport à cet objet massif. Ça a été mis en évidence en 1921. Autour du Soleil, lors d'une éclipse, hein, qui a eu une résonance extraordinaire, parce que Einstein avait prédit la valeur, et on a trouvé à peu près la valeur. Donc, pour les gens qui font de l'analyse des données, ça rentre dans le modèle. C'est-à-dire, où est la position observée de l'étoile ? Cette position, elle prend en compte où on se trouve autour de la Terre, et éventuellement, si le rayon lumineux qui va vers l'objet passe près d'une planète ou près du Soleil. Ça concerne que les objets du système solaire. Parce que l'éventuelle déviation de la lumière par une planète qui s'est près d'une étoile à 3 années-lumière, ça n'a pas d'effet sur la direction à laquelle on observe. Il faut que le déflecteur soit près de vous par rapport à la distance à laquelle on voit l'objet. Hein, donc ça concerne que les planètes du système solaire. Les seuls corps du système solaire qui sont susceptibles de produire ces déviations de façon visible sont le Soleil, même si on n'observe jamais près du Soleil. Gaïa est tellement précis que même à 90 degrés du Soleil, la déflexion de la lumière, la déflexion venant de la relativité, et je vais donner un chiffre, hein, elle est de 4 millièmes de seconde d'arc, c'est-à-dire un nombre grand pour Gaïa. En une mesure, bien qu'on ne puisse pas le faire en une, puisque c'est par comparaison qu'on le fait, hein, on ne voit pas la déflexion, on voit entre le moment où il y a le Soleil et le moment où il n'est pas là, ce n'est pas la même place. Donc il faut au moins 2 mesures. Mais typiquement, Gaïa a la précision pour le faire en 2 ou 3 mesures, normalement. Et les plus grosses planètes, comme Jupiter, Saturne, et éventuellement Uranus-Neptune, mais le plus probable, c'est qu'on va être capable de le voir uniquement qu'autour de Jupiter et Saturne. Alors, la difficulté, dans le cas de Jupiter et Saturne, c'est qu'il faut que ça soit très près de la planète. Et donc, quand on observe près de Jupiter et Saturne, non seulement Gaïa ne voit pas Jupiter et Saturne, parce que c'est trop gros, mais il voit tout plein de saletés autour, parce que ça sature les détecteurs. Il y a beaucoup trop de lumière qui arrive, et donc les observations des étoiles près de Jupiter et Saturne sont quasiment impossibles. Étaient quasiment impossibles. On s'est aperçu, le 27 février, on a eu un événement qui était prévu, on a observé près de Jupiter. On s'est dit, de toute façon, on ne va rien voir. On voulait faire une expérience de relativité. On ne va rien voir parce qu'il y a trop de bavures sur les détecteurs et donc on ne verra pas aucune étoile. On avait prévu un certain nombre d'étoiles et la loi de rotation de Gaïa avait été choisie pour que le jour où Jupiter était dans le champ, il était justement suffisamment proche d'étoiles brillantes. Et on a eu la très bonne surprise que 2 étoiles sont observées excessivement près de la surface de Jupiter. D'une manière absolument inattendue. On était persuadés qu'on ne verrait rien. Et pour donner une idée de grandeur, Jupiter, c'est 20 secondes d'arc de rayon. Et on a observé un objet à 6 secondes de la surface et un autre à 1 seconde 5 de la surface. C'est-à-dire, moins de 1 dixième du rayon de Jupiter, on a une étoile. Donc cette étoile, quand on va faire le traitement, ce jour-là, si on ne met pas la déviation de la lumière, on va trouver qu'elle n'est pas la bonne place. Et si on met la déflexion de la lumière, on va pouvoir déterminer un paramètre de cette déviation. Donc on peut tester la relativité ? On peut tester la relativité avec Gaïa par ce système-là. Il y a 2 méthodes, mais par le système de la déflexion de la lumière. Et ça fait partie du programme. Sur l'écran noir de notre espace, moi je me fais du cinéma et je repasse 80 fois. Je mesure la même séquence, mon quotidien c'est toujours ça. Avant de contacter la Terre, je tranche, ouais. Tous les pixels, je les envoie pas, sinon ça ferait de la bouillasse. Vu que ce que je vois, ça dépasse les 65 milliards d'étoiles. D'abord un gros plan parallaxe, puis un travelling panorama. En seulement 30 microsecondes d'arc, voilà comment tout ça commence. Je compacte ça en 3 gigas, 2,80 m, des CCD plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Me voilà tout au bout de l'espace, le vide arrive en avalanche. Sur l'écran noir de notre espace, moi je me fais du cinéma. Et je repasse 80 fois, je mesure la même séquence. Mon quotidien c'est toujours ça. Et je m'envole vers les étoiles. Alors on a d'autres questions, mais j'aimerais juste avoir un petit mot quand même d'Olivier Lamarle. Que vous me disiez un mot de l'implication du CNES. C'est, voilà, on a dit que c'était une mission de l'ESA, donc de l'Agence Spatiale Européenne. Alors c'est quoi le rôle du CNES là-dedans ? Ça c'est une bonne question, parce que quand je suis arrivé dans ce monde, j'ai eu du temps à comprendre l'organisation en Europe pour le spatial. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais aux États-Unis dans un des centres de la NASA pour discuter avec des collègues. Et je leur ai expliqué comment on fonctionnait en Europe et... Ils étaient un peu atterrés et ils nous ont dit « Mais comment vous arrivez à faire des projets comme ça ?» C'est incroyablement compliqué. Vous arrivez à nous battre avec cette organisation-là Ça les aide. Alors, le rôle du CNES. Alors, déjà, historiquement, comme on est en France, on est un peu chauvin. Donc, l'idée d'aller dans l'espace et de mesurer des écarts angulaires entre les étoiles, elle est française. Elle a été proposée par un astronome de l'Observatoire de Strasbourg, Pierre Lacroute. C'est Pierre, hein, je crois. En 1966. Il a fallu déjà un certain nombre d'années d'études au CNES, de faisabilité, pour arriver à la conclusion que au CNES, c'était trop cher, on ne pourrait pas faire. Donc pour transférer le bébé à l'ESA, toute jeune, qui venait d'être l'Agence Spatiale Européenne qui venait d'être créée. Donc ça a été dans les années 70. Il a fallu encore donc, plusieurs années pour que le projet, enfin, soit décidé à l'ESA, donc en 80, le projet Hipparcos. Qui ensuite a volé en 89, etc., etc. Et puis ensuite, on s'est dit, ça a tellement bien marché, on va faire Gaïa. Donc vous voyez un peu la durée, mais au départ, c'est une idée française portée par le CNES. Et c'est comme ça souvent la démarche des idées scientifiques dans le spatial en Europe. Les scientifiques proposent des idées à leur agence, qui commence à étudier la question, et puis qui arrive à la conclusion, la plupart du temps en astronomie, que c'est trop gros pour elles, et que donc elles vont s'associer avec l'Agence Spatiale Européenne et les autres agences pour le faire ensemble. Aujourd'hui, concrètement, pour Gaïa, le satellite a été entièrement fait dans l'industrie, financé par l'Agence Spatiale Européenne avec des fonds européens, hein, donc en particulier du CNES. Et deuxième contribution, c'est qu'il a été convenu que le traitement des données au sol, dont on a déjà pas mal parlé, serait à la charge des États membres, donc en particulier de la France. Et donc là, le rôle du CNES, c'est d'avoir... Donc là, c'est chaque État... qui prend une part de la charge de calcul. Voilà, c'est-à-dire que dans les années 2000, quand cette organisation s'est mise en place, François et ses différents collègues européens se sont mis autour de la table et se sont dit « Bon, alors ces milliards d'équations à des milliards d'inconnus, il va falloir des supercalculateurs et des années et des années de tests et de développement de logiciels pour y arriver. Comment on se répartit la tâche ?» Donc, les Suisses ont dit « Ben nous, on va faire la photométrie. L'ESA a dit « Moi, je prends en charge pour ma partie les mesures de position. » La France a dit « Bon, ben moi, je vais prendre la mesure des spectres, la composition, la couleur de la lumière, puis un certain nombre d'autres paramètres. » Ils ont proposé ça à chacun à leurs agences et toutes les agences se sont réunies et ont fini par signer un document disant « D'accord, ben, nous en France on fera ça, nous les Suisses on fera ça, les Anglais on fera ça, etc. » Et puis tout le monde s'est mis au travail et le CNES finance soutient les laboratoires scientifiques qui écrivent les logiciels scientifiques capables de faire tout ce traitement de données. Et ces logiciels, ils sont installés sur des supercalculateurs. Donc il y en a 7 en Europe, dont un au CNES Toulouse qui a été développé exprès pour ça et sur lequel les ingénieurs du CNES suent sang et eau pour arriver à les faire marcher avec ces gigabits de données qui arrivent en cascade et puis qui réarrivent le lendemain dupliqués avec pas dans le même ordre, avec des trous, etc. Enfin, dans la pratique, c'est du cambouis. C'est extrêmement compliqué et bon, c'est pour ça que ça finit par être miraculeux aux yeux des Américains que ces 25 pays qui font chacun un bout du traitement finissent par sortir un catalogue d'une pureté céleste. Céleste, absolument. Alors on a pas mal de questions. Je vous demandais, on a même 5 questions. Je vous demandais de vouloir répondre rapidement. Oui, moi il y a une petite question qui me chiffonne. C'est que depuis octobre 95, date où on a découvert la première exoplanète, ou alors peut-être je suis mal informé, j'ai l'impression qu'on va chercher ces découvertes d'exoplanètes, je dirais entre guillemets à perpète, c'est-à-dire entre 40 et 100 années-lumière, et que pour les étoiles proches, comme Alpha du Centaure, Sirius et d'autres, qu'apparemment on ne découvre rien. Alors je suis un peu surpris que sur des distances plus réduites, on ne trouve rien ou pas grand-chose, et qu'on va aller chercher à... disons beaucoup plus loin. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une explication à ça ? Y a pas au sens premier. D'abord, on a trouvé une exoplanète autour de Proxima du Centaure. Oui, c'est tout récent. Effectivement, c'est il y a 6 mois à peu près. Ça a été... Et non seulement on a trouvé une exoplanète, mais on a trouvé une exoplanète très intéressante parce qu'elle est du type éventuellement un peu terrestre, à une distance de l'étoile telle qu'elle pourrait éventuellement avoir de l'eau liquide, etc. Donc il y en a. Et il y a quand même pas mal d'étoiles proches, c'est-à-dire à quelques dizaines, vingtaines de lumières, où il y a des exoplanètes. Donc ce n'est pas forcément les étoiles les plus lointaines. Et les méthodes de détection, certaines sont sensibles à la distance. Donc il y a des méthodes dans lesquelles on ne peut pas aller très loin. Donc on cherche... pas forcément avec la distance. Ce qu'on cherche, c'est des étoiles dans lesquelles, compte tenu de ce qu'on connaît sur l'étoile, sa masse, sa température, elle est plus susceptible que d'autres. On va à la pêche, hein. C'est-à-dire qu'il faut en essayer beaucoup. En fait, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de systèmes planétaires, pour avoir une chance de trouver un système planétaire. Donc, il n'y a pas de filtre, de vrai filtre de distance. Et s'il y en a un, ça va être un filtre qui favorise les distances rapprochées, de toute façon. Hein. C'est pas dans l'autre sens. On a une autre question, là. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, en fait, comment les étoiles, la pigmentation, quel type de gaz c'est, enfin, ou matière, et si, par exemple, entre une et deux années-lumière, la pigmentation peut changer, en fait, étant donné qu'on puisse voir si c'est la même ou pas, en fait. La couleur. La pigmentation, c'est-à-dire la couleur ? Oui, oui, d'accord. On va parler un peu de spectroscopie, là, non ? Donc, je vais essayer de synthétiser la question, savoir donc comment on reconnaît quand on observe une étoile, que c'est à chaque fois la même, c'est ça ? Quelle matière elle est constituée ? Ah, pardon. Okay. Alors, on va faire de la spectroscopie un peu. Là. D'accord. Donc le premier point, reconnaître qu'une étoile, c'est la même d'un jour à l'autre, ça, c'est très facile, parce que, bien sûr, elle est à la même place. Donc, on sait. Pour les planètes, c'est compliqué. Maintenant... Non, ce qui est tout à fait intéressant, c'est effectivement, on a bien vu qu'on peut faire déterminer la position, la vitesse, la direction, etc. Mais on peut aussi déterminer la chimie de la... On peut déterminer la chimie. De la planète, hein, de quoi elle est constituée. Voilà. Donc ça se fait avec un spectroscope, c'est-à-dire quelque chose qui décompose la lumière, qui crée un arc-en-ciel, si je puis dire, avec la lumière. Et dans cet arc-en-ciel, il y a des zones sombres, bien marquées, qu'on a découvertes au 19e siècle. La spectroscopie astronomique a commencé en 1864 par des physiciens qui ont dit « Voilà un outil nouveau pour l'astronomie », et les astronomes n'en voulaient pas. Bien évidemment. Ils ont dit « Non, c'est un truc de physicien, on ne va jamais faire de science avec ça, il n'y a pas assez de lumière, etc. » Donc il y a eu une petite lutte au début, et les premiers résultats de la spectroscopie, ça a été la composition chimique, mais ça a été aussi de savoir qu'il y avait des zones gazeuses qui n'étaient pas composées d'étoiles et qui émettaient de la lumière, et inversement d'autres qui étaient composées d'étoiles. Donc ça a eu un résultat absolument fondamental sur la structure, la composition de l'univers. Donc dans le cas des étoiles, donc on voit cette lumière, et dans cette lumière, il y a des raies noires dont la position est caractéristique de l'élément chimique qui se trouve dans la partie supérieure de l'atmosphère de l'étoile. pas à l'intérieur, mais à la partie supérieure. Les dernières couches dans lesquelles la travers passe la lumière. Et c'est excessivement précis. C'est-à-dire, un endroit où il y a cette ligne-là, c'est du calcium. À cet endroit-là, c'est du magnésium. À cet endroit, ça va être de l'oxygène qui a perdu un ou deux électrons. Et de façon très, très nette. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais il peut y en avoir beaucoup. Quand on observe le Soleil, les atlas de raies qui ont été faits dans le Soleil, même au 19e siècle, par l'astronome allemand Fraunhofer, il y a plusieurs dizaines de milliers de lignes. Et au début, pour certaines, on était incapable d'associer un élément chimique. On a trouvé des nouveaux éléments chimiques en regardant les étoiles. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas comme ça. Donc il n'y a pas de difficulté majeure une fois que vous avez effectivement recueilli proprement le spectre. La difficulté, c'est de faire le spectre. Mais une fois qu'il est bon et qu'il est au sol, on est capable effectivement d'identifier les lignes et d'identifier non seulement l'objet qui est là, mais son abondance. Une étoile très chaude, par exemple, aura relativement peu d'hydrogène, une étoile moyenne aura d'hydrogène, une étoile froide n'en aura plus, aura des molécules à la place. Tout ça, ça marche bien, c'est bien connu, et le début de l'astronomie du XXe siècle a été largement consacré à détailler, à faire des atlas assez complets pour toutes les étoiles qu'on connaissait à l'époque. Et donc on fait aussi de l'astrochimie avec Gaïa. Voilà. Michel a encore une question. C'est plusieurs petits points, je vais essayer d'être rapide. Sur ce qui était page 5, il y a trois diagrammes de suite. Est-ce que c'est simplement la composition, la composante rouge en haut, bleu en bas et la magnitude globale ? Parfait, c'est exactement c'est ça. Il y a trois mesures d'éclat. D'accord, voilà. Par trois instruments différents et ça correspond à ça. Deuxième chose, comme ce n'était pas forcément évident pour tout le monde, l'histoire de mesurer, de chercher les planètes, non pas en les voyant passer par la baisse de luminosité, mais par la perturbation sur l'étoile, l'explication que j'utilise dans ces cas-là, c'est si on regarde un lanceur de marteau de loin, on ne voit pas forcément le marteau, mais on voit que le type, il oscille sur lui-même et qu'il y a quelque chose qui doit le tirer dans l'autre sens. Et c'est la planète qu'on ne voit pas, mais qui est là. Sinon, il serait droit, immobile au milieu. Voilà, illustration. Et alors, pour revenir beaucoup plus en arrière sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le fait d'utiliser deux télescopes, ce qui paraissait un peu curieux au début, est-ce qu'en fait on n'est pas un petit peu dans la même situation que les marins qui utilisent un sextant, parce qu'ils n'ont pas une base précise et qu'il faut aligner quelque chose avec un miroir et le soleil de façon à pouvoir mesurer un angle précisément ? Alors, c'est pas le même montage optique, évidemment, mais est-ce que c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il faut avoir une référence pour laquelle on permet de... Alors, il y a la notion de référence, mais vraiment le sextant, son utilisation, c'est vraiment lié au fait qu'on est en train d'observer dans un endroit qui bouge. C'est-à-dire que sur Terre, on n'a pas besoin du sextant. Donc en mer, on a ce problème, on cherche à mesurer la hauteur des astres par rapport à l'horizon, et comme le bateau bouge sans arrêt, on est incapable de le fixer. Donc l'astuce du sextant, c'est faire cette double image qui permet d'avoir un des miroirs dans lequel l'œil voit l'horizon. Et c'est une mesure différentielle, du coup, entre les deux... C'est pas la mesure... Oui, entre deux, mais c'est ce qu'on appelle la hauteur de l'astre. La hauteur de l'astre, c'est l'angle au-dessus de l'horizon. Et alors là, le deuxième télescope joue un rôle de référence, en fait, dans ce cas-là ? Ou est-ce qu'il y a autre chose Là, c'est l'un par rapport à l'autre. Il se passe quelque chose dans l'un, il se passe quelque chose dans l'autre, c'est-à-dire que le déplacement des étoiles dû à l'effet du mouvement de la Terre du Soleil n'est pas dans la même configuration dans le télescope 1 et dans le télescope 2. Voilà. Bonsoir. J'aurais deux questions en fait. La première, si je me rappelle bien, donc Gaïa est située à 150 millions de kilomètres, c'est ça ? 1,5 million, pardon. Voilà, j'étais une échelle différente. De la Terre. Première question, c'est de savoir qu'est-ce qui a permis de déterminer au final la position dans laquelle on a été placé Gaïa. Autant, admettons, pour la sonde New Horizons, on savait qu'il fallait calculer une trajectoire pour qu'elle passe à tel endroit à tel moment. Qu'est-ce qui a fait que là, on a placé Gaïa à tel endroit et pas un autre ? Et la deuxième question, pardon, c'est on sait que les missions scientifiques sont décidées, déterminées plusieurs années auparavant d'être lancées. C'est pas la veille du lancement qu'on assemble et qu'on a défini Gaïa. Si on devait lui faire une mise à jour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait lui administrer ? Qu'est-ce que ça apporterait de plus au niveau des mesures, des résultats qu'on obtiendrait ? Alors, d'abord, sur la première question, le point autour duquel orbite Gaïa, c'est un point très particulier dans le système Terre-Soleil. C'est un point stable, c'est-à-dire que c'est un objet qui est en ce point ne nécessite en théorie aucune correction d'orbite. Donc ça c'est très pratique, c'est qu'on pourrait en théorie laisser Gaïa sans activer ses moteurs pendant des années, il resterait à ce point. Et comme on l'a dit, on a besoin de conditions géométriques extrêmement stables, extrêmement constantes pour faire les mesures de Gaïa. Donc angle par rapport au Soleil, distance par rapport au Soleil, la chaleur irradiée par la Terre est trop perturbante pour être proche de la Terre. Donc une des raisons c'est qu'il fallait aussi s'éloigner de la Terre. Les satellites qui tournent autour de la Terre, ils passent autour de la phase nuit, de la phase jour. La chaleur qui irradie, c'est très néfaste pour Gaïa, c'était impossible. Donc il fallait être loin, et ce point est stable. C'est un point qu'on appelle un point de Lagrange. Un point de Lagrange. Donc il y en a deux dans le système Terre-Soleil, ou même plus, je crois. Mais il y en a un à l'opposé du Soleil, il y en a un entre la Terre et le Soleil. Ce sont des points où la gravitation provoquée par la Terre et le Soleil et la force centrifuge, en gros, s'annulent. Donc le point, le satellite tourne avec la Terre en même temps que la Terre en 365 jours. Sur le deuxième point, sur pourquoi... Qu'est-ce qu'on voudrait rajouter, si on pouvait rajouter quelque chose, une fonction ? François et les scientifiques ont plein d'idées. Moi, je me souviens, il y a quelques années, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a organisé un appel à idées pour ses futures grandes missions. Donc, Gaïa fait partie des grandes missions, hein, près d'un milliard d'euros, etc. Bon. Donc il y en a quelques-unes, hein, il y en a deux par décennie en gros, et type Rosetta, etc. Et là, l'ESA programmait ses futures grandes missions. Donc c'est un appel idée à la communauté. Et alors on a vu arriver je ne sais plus combien d'idées. Donc ça a été présenté, là, je me rappelle, à Paris, à la Maison des Océans. Et chaque groupe scientifique arrivait avec son idée. Alors moi je vais aller sur Europe, lune de Jupiter, poser un atterrisseur, tout ça. Moi je vais observer le fond diffus cosmologique avec un grand télescope, etc. Tout ça, des idées grandioses. Et donc à chaque fois avec des nouveaux instruments, des technologies nouvelles, 100 fois, 1000 fois mieux, voire même des choses qui n'ont jamais été faites. Et je me souviens qu'il y a un groupe qui est arrivé et qui a dit, ben, nous ce qu'on propose, parce que ça c'est des missions qui seront faites dans les années 2030, hein, on se projette dans longtemps, on propose de refaire Gaïa. Voilà, en gros on refait le même. Parce que 20 ans se seront écoulés et donc on aura... les mesures de Gaïa 20 ans avant, les mesures de Gaïa 20 ans après, avec une précision diabolique à chaque fois. Et alors là, les trajectoires, les exoplanètes, les distances au fin fond de la galaxie. Donc ça m'avait frappé. En fait, on ne change rien, on renvoie le même. Donc je pense que si on repose la question aujourd'hui, ils ont sans doute des tas d'idées pour faire encore mieux. Maintenant que le satellite est en l'air, on voit aussi les petits points sur lesquels on aimerait améliorer. Et c'est toujours possible d'uploader hein, des nouvelles fonctionnalités, hein, d'installer des patchs et des modifications dans les... Dans les logiciels Oui, dans les logiciels, c'est la seule chose, mais c'est très limité. Un petit peu de traitement à bord, mais les calculateurs, ils sont ce qu'ils sont. Hein. D'accord. Alors j'ai encore plein de questions, monsieur. Oui, bonsoir, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. Jusqu'à quand est-ce que Gaïa sera en service et qu'est-ce qui va le limiter dans sa durée de vie ? Et est-ce que les mesures se font en lumière visible ou alors dans d'autres régions de longueur d'onde ? Voilà, merci. D'accord. Je réponds à la deuxième question parce que c'est... Gaïa travaille dans le visible, avec un tout petit peu d'infrarouge, mais l'essentiel c'est dans le visible. C'est pas un satellite infrarouge, c'est pas un satellite ultraviolet, c'est vraiment la lumière telle qu'on la voit à l'œil pour lequel on étudie les propriétés des étoiles. Voilà, donc en mettant des chiffres, on va de 400 nanomètres, 0,4 microns, à 1,1 micron. Voilà, donc un visible un petit peu étendu. La durée de la mission. C'est prévu pour 5 ans. Alors, ce n'est pas un nombre qui est choisi au hasard. On a fixé un certain objectif scientifique au début. Compte tenu des dimensions des miroirs détecteurs, on sait qu'au bout de 5 ans, on est capable d'atteindre la précision qui a été annoncée, pour laquelle tout le bilan scientifique a été établi. Donc, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'on a commencé la science, non pas le jour du lancement, mais 6 mois après, donc le 25 juillet 2014, sont descendues les premières données dites scientifiques. Avant, on fait de la qualification de l'instrument. Donc, ça se finit en juin 2019. Qu'est-ce qui limite ? A priori, il n'y a pas beaucoup de consommables dans un instrument comme Gaïa. C'est pas refroidi, donc il n'y a pas d'hélium pour refroidir les détecteurs. C'est passif, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Mais il y a un petit consommable. Il y a deux consommables. Autour de L2, si vous laissez un système autour L2, de l'orbite... L2, c'est le point de Lagrange, oui. Le point de Lagrange, le satellite ne reste pas tout seul. Comme ça. Donc il faut le remettre à poste tous les mois, et donc il y a du carburant, il y a un petit moteur fusée, et le carburant pour maintenir le satellite en orbite. Donc il y a un certain nombre de kilogrammes, et quand ça sera épuisé, ça sera épuisé. Mais ce n'est pas ça le facteur limitant. Le deuxième facteur limitant, c'est la rotation de Gaïa sur lui-même. Je vous dis que c'était absolument essentiel. Gaïa tourne sur lui-même comme une horloge. Je vais vous donner un exemple pour préciser ça. On fait des calculs à l'avance, un an à l'avance, par exemple, de savoir quand est-ce que les astéroïdes vont être observés, quand est-ce que les quasars vont être observés, quand est-ce que les étoiles vont être observées, parce qu'on a besoin de mettre ça en ligne, de le savoir. On les fait un an à l'avance, et au moment où on observe, le décalage entre l'instant calculé et l'instant auquel on observe, il est typiquement de 2 à 3 millièmes de seconde de temps. C'est-à-dire que la rotation de Gaïa sur elle-même, elle est pilotée. Elle ne se fait pas naturellement, elle est pilotée. Dès que ça s'écarte de la vitesse prévue, il y a 6 petits moteurs à gaz qui envoient des petits poufs comme ça. Là. Mais très léger. Donc il y a 2 réservoirs de gaz et de l'azote, et on en consomme 12 grammes par jour. Il y a en gros 50 kg au départ, donc ça peut faire 2 à 3 000 jours. Donc on sait qu'en 2023-2024, ça sera terminé. Il n'y aura plus de gaz pour piloter Gaïa. Donc on a en possibilité, la possibilité d'étendre la mission au-delà des 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on a bien sûr déjà les scientifiques. Alors ça, ce n'est pas financé. Hein. Ce qui est financé, c'est 5 ans. Donc les scientifiques ont déjà déposé un dossier à l'Agence spatiale européenne en disant « ça serait quand même bien si on pouvait continuer, parce qu'on ferait ça, on ferait ça, on ferait ça, ça serait super. » Et c'est en discussion, ça coûte les opérations pour le satellite, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros par an pour faire fonctionner le satellite. Et puis ça coûte au sol, ce que décrivait Olivier Lamar, il faut faire fonctionner les calculateurs, il faut mettre des équipes. Donc ça coûte de l'argent, c'est à mettre en balance avec différentes choses. Ça va se probablement, faire. Vous avez bon espoir. Probablement, ça va se faire. Parce donc, que quand on a un magnifique instrument voilà, ça, si ça continue comme qui ça, dépasse vos attentes, la qualité de ce que vous obtenez comme données dépasse vos attentes, ça a coûté 740 millions d'euros, on peut rajouter 30 millions d'euros par an pour continuer à faire vivre ce bel instrument. C'est probable que ça sera. Bonsoir, merci pour vos interventions. Gaïa a donc été lancé en 2013, les premiers mois de vol ont servi à la mise à poste et à la qualification de l'instrument. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il y a eu des petites déconvenues parce qu'on s'est rendu compte que l'instrument ne se comportait pas de manière aussi fine qu'on aurait estimé. Comment ça s'est soldé? Comment vous avez résolu ça? Et finalement, est-ce que les performances de Gaïa qui étaient estimées préalablement sont celles qui ont été réalisées? Alors, il y a effectivement, il y a eu... D'abord, ça devait durer 3 mois, cette qualification, et ça a duré 6 mois, parce qu'il y a eu des problèmes. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui montre les problèmes qu'il y a eu. Donc Gaïa est lancé le 13 décembre 2013 et on ouvre, si je peux dire, les détecteurs début janvier et on s'aperçoit effectivement ça passe les étoiles, mais il devait faire complètement noir à l'intérieur de ça, c'est-à-dire on ne devait pas avoir la moindre lumière. Et dès début janvier, on s'est aperçu qu'il y avait un tout petit peu de lumière. Alors, pas visible à l'œil, hein. C'était un de vos micrométéorites qui... C'est un défaut au départ. Il y a eu quelque part un défaut dans la construction. Donc on va mettre un petit peu d'humain dans cette affaire. Le 6-7 janvier, j'apprends qu'il y a de la lumière et que ça va être sûrement très difficile de faire la mission. Vous réagissez comment? Je téléphone à mon épouse. et je lui dis, comme ça, je pensais que ça allait aller. Comment on fait? J'arrive au téléphone... Et j'arrive pas à lui parler. Parce que j'ai les larmes, quoi. J'ai dit, c'est catastrophe, quoi. Il s'est passé quelque chose de catastrophique, et j'ai pas réussi à lui parler. Bon, ça vous dit l'implication qu'il peut y avoir quand on travaille 10-15 ans. Mission. On sentait que la mission était perdue, hein. C'est-à-dire qu'on allait être très loin des performances. Alors, la lumière, elle est là, c'est un défaut. Alors, le défaut, il vient d'où? Vous avez vu dans ce petit... Voilà, ce graphique-là, voilà, ce bouclier... C'est la couverture. Voilà, la couverture. Le bouclier, derrière, c'est une succession de couches de matière souple, quoi, qui est tendue. Hein. Donc, elle a été tendue, fixée sur le bord. Puis, une fois que c'est fixé sur le bord, on coupe un petit peu, de façon comme du tissu, hein, dans lequel on a cousu ou fait le montage, et qu'on coupe, et il y a les petits fils qui dépassent. Les ingénieurs de chez Airbus ont vu que les petits fils dépassaient, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les couper, mais on risque de tout déchirer. Bon, on les laisse. C'était une décision sage. Et la lumière parasite, qui ne doit pas arriver avec ce bouclier-là, elle vient en fait de la diffusion de la lumière par ces petits bouts de fil. Il y a de la lumière qui est réfléchie, la lumière du soleil. Non, elle passe à travers. Et au lieu d'aller en ligne droite, elle part dans tous les sens. Et il y en a quelques fractions qui finissent par rentrer par les ouvertures. Et une autre petite fraction qui finit par rentrer sur le miroir et qui finit par aller sur le détecteur. Donc c'est un tout petit quelque chose qui vient d'une décision qui était sage pour éviter de prendre un risque. Et ça a été long à trouver, bien évidemment. On s'est aperçu que cette lumière, elle était avec une période de 6 heures, qu'elle avait une relation avec le Soleil, qu'elle avait une relation avec la galaxie, donc les zones où il y a de la lumière. Et puis, on a réussi à reconstruire graduellement dans un ordinateur et reproduire le phénomène. Donc, ce phénomène, il est là et il diminue les performances astrométriques de Gaïa pour les étoiles les plus faibles. On fait avec, c'est-à-dire qu'on étalonne. On étalonne et il y a un peu plus de bruit dans ces photos. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut que l'on a vu, c'est que ces deux miroirs-là qui observent à 106,5 degrés l'un de l'autre, ça doit être aussi très, très, très stable. Ça ne doit pas bouger un poil. C'est pour ça que la température est très stable. Et on s'est aperçu très vite que ça bougeait plus fortement que ce qui était prévu. Mais un facteur important, un facteur de l'ordre de 20 à 30. Mais ça se reproduit très régulièrement, c'est-à-dire qu'avec une période de 6 heures, c'est complètement lié à la rotation de Gaïa, et ça peut être étalonné. Quand on va chez Astrium aujourd'hui, c'est la partie qui les embête le plus, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi il y a cette petite variation dans l'instrument, qui est un phénomène thermique et mécanique, qui est parfaitement reproductible, les courbes, non seulement c'est 6 heures, mais c'est très précis, il y a une petite bosse ici, une petite bosse là, on la retrouve toutes les 6 heures, mais... Les ingénieurs sont embêtés parce qu'ils se disent « Nos clients ne vont plus avoir confiance en nous parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer. Il y a un défaut qu'on n'a pas compris, qu'on n'a toujours pas compris. » Donc celui qui est capable de l'expliquer, de comprendre, il peut aller chez Airbus et dire « Moi, j'ai la solution. Qu'est-ce que vous proposez ?» Voilà. Bon, il y en a deux, trois. Donc on fait avec et globalement, la marge de Gaïa par rapport à des missions en astrométrie est telle qu'il n'y a pas de dégâts. Et la partie due à cette lumière, ça va être compensé par l'extension de la mission. Rajouter 2-3 ans, c'est équivalent à ce bruit. Bonsoir, j'aimerais savoir, vous n'avez pas trop parlé de la découverte des astéroïdes. Est-ce que ça peut aider, ou est-ce que c'est une nouvelle méthode pour découvrir des astéroïdes nouveaux, ou peut-être des astéroïdes qui seraient dangereux pour la Terre et en plus, est-ce que ça peut aider aussi pour l'éventuelle découverte de la 9e planète? Alors, pour la 9e planète, dès qu'elle a été proposée... Alors, il faut rappeler de quoi il s'agit. Voilà. La planète qu'on appelle la planète X. Donc, ce serait une nouvelle planète inconnue. Très distante. Très distante. Donc, on ne voit pas, évidemment, avec très facilement. Et, mais qui tournerait autour du Soleil. Une nouvelle planète dans notre système solaire. Donc, si elle existe telle qu'elle est annoncée, on ne sait pas où, mais on a une idée que serait sa masse, elle n'est pas visible par Gaïa. On nous a posé la question très vite d'ailleurs, parce qu'il se trouve que dans mon laboratoire, on s'occupe en particulier du système solaire pour Gaïa. Et on a dit, on a regardé et on ne peut pas l'avoir dans les données. Alors maintenant, la découverte des astéroïdes, donc Gaïa n'est pas fait pour ça. Mais quand on a conçu Gaïa dans l'année 2000, à peu près, 96, on connaissait, probablement moins de 100 000 astéroïdes à ce moment-là. Donc on disait, Gaïa, il va pouvoir arriver, il va en trouver beaucoup. Et puis, il y a des systèmes de surveillance qui sont mis en place, et aujourd'hui, on en connaît 700 000. Et donc, pratiquement tout ce que peut voir Gaïa est déjà connu. Sauf deux cas. Très loin du plan de l'écliptique, parce que c'est pas là où on cherche les astéroïdes, donc Gaïa va en trouver. Le plan de l'écliptique, c'est là où les... Là, le plan de l'orbite des planètes. Les planètes. Et puis, un endroit où on n'observe jamais depuis la Terre, c'est vers l'intérieur de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire vers le Soleil. Les astronomes, ils aiment bien observer à minuit, complètement à l'opposé du Soleil. C'est beaucoup plus facile. Il fait bien noir. En plus, le mouvement des objets n'est pas le même que de l'autre côté. Donc, observer vers le Soleil, c'est presque impossible depuis la Terre. Gaïa va le faire jusqu'à 45 degrés du Soleil. Et là, très probablement, il va trouver des objets à l'intérieur de l'orbite de la Terre qu'on ne connaît pas. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que, typiquement, dans les données Gaïa, aujourd'hui, on a 500... Nouveaux astéroïdes par mois. Voilà. 500 nouveaux astéroïdes par mois, Qu'on voit. Alors, sur 700 000, c'est pas beaucoup. Ça nourrit la base de données. Mais ce qu'apporte Gaïa, c'est dans les astéroïdes connus, hein, une orbite, c'est-à-dire la capacité à calculer leur position, améliorée d'un facteur 100. Et donc là, sur les objets dangereux pour la Terre, il va dire définitivement, celui-là qu'on pensait être potentiellement dangereux, il ne l'est pas. Celui-là qui était potentiellement dangereux, il peut l'être. Donc il va préciser de façon extrêmement nette, là, hein, par la dynamique, ses potentialités de croisement avec la Terre. On vient de recevoir, on vient de recevoir un tweet, parce qu'on est, suivi sur Twitter, donc un tweet musical. On a retrouvé cette fameuse conversation téléphonique désastreuse. Allô chérie, bobo, il y a de la lumière qui passe, c'est la poisse. Allô chérie, bobo, allô chérie, bobo. Excusez-moi, j'en perds mon piano. C'est triste. Oui. Non, non, mais par contre, on a une petite chanson. Cette année-là, je venais d'arriver à l'ESA et je voulais mesurer les écarts angulaires cette année-là. Déjà, je rêvais à un beau satellite Gaïa, et vite j'ai convaincu tout le monde de construire ça. C'était l'année 66, c'était l'année 66. Parce que François Mignard a expliqué qu'il n'avait pas arrivé, il n'était pas arrivé à parler, mais finalement il est arrivé à chanter. Alors si je comprends bien, d'accord, ouais, ça passe tout de suite mieux quand on chante. Il y a encore quelques questions, hein, mais on va bientôt se quitter. Donc je vais me permettre de poser la dernière, et puis bien sûr François Mignard et Olivier Lamarle restent encore quelques instants. Si vous avez envie de discuter encore avec eux, je pense que ce sera encore possible. Il y a un sujet autour de la matière noire quand même. Est-ce que Gaïa pourrait pas être utile pour en savoir un petit peu plus sur cette matière noire? Il faut rappeler que cette matière noire, c'est une matière qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais observée, mais dont on pense avoir observé les effets gravitationnels. Hein. La matière, elle a des effets gravitationnels. Elle modifie, elle perturbe des trajectoires, etc. Et donc, on croit voir ça. Donc, il y aurait de la matière noire. On ne sait pas de quoi elle est composée. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Et Gaïa pourrait aider à la comprendre, à mieux la saisir. À mieux la comprendre. En tant que physique, c'est pas sûr, savoir où elle se trouve notre galaxie. À la cartographier, alors. À la cartographier dans notre galaxie, ça fait aucun doute. D'accord. C'est presque l'instrument idéal pour faire ça. Hein. Dans notre galaxie, et bien dire, là, il y en a à tel endroit, et probablement avec telle densité, etc. Ça ne nous dira pas si elle est faite de particules de ceci, de cela. Hein. Ça sera une autre affaire. Donc, c'est un des objectifs scientifiques de Gaïa, et la méthode dite d'astrométrie, dans laquelle on voit la vitesse des objets, est parfaitement adapté puisque la vitesse des objets est en relation avec la quantité de masse, de matière qui se trouve à l'intérieur dans la galaxie de leur orbite. Donc Gaïa va être un très bon traceur de matière noire. Alors la partie centrale de la galaxie, le plan de la galaxie, il n'y en a pas beaucoup, mais dans la partie extérieure de la galaxie, c'est très probable et on aura, pour ça j'ai aucun doute, dans l'exploitation finale du territoire de Gaïa, des gens vont faire des cartes de distribution de matière noire et avoir une idée de la quantité qui se trouve dans notre galaxie. On aura très peu de choses sur les galaxies extérieures, puisqu'on est, disons, les nuages de Magellan, on aura très peu d'informations sur la rotation des galaxies avec Gaïa. Alors, vous l'avez compris, au mardi de l'espace, il se passe toujours plein de choses. En tout cas, une fois par mois et le mois prochain, eh bien, on va parler de satellites et gaz à effet de serre. Ce sera le 18 avril, satellites et gaz à effet de serre. Il y a le président du CNES, M. Le Gall, qui a indiqué que, à son avis, lui semblait, c'était à la conférence de presse où j'étais, il a indiqué que, à son avis, le CNES était aujourd'hui l'agence qui était la plus investie en matière d'observation de la Terre au niveau environnemental. Eh bien, justement, on va en discuter. Avec satellites et gaz à effet de serre. Il faut supposer effectivement que la NASA va probablement commencer à se retirer un petit peu de ces questions environnementales, d'après ce qu'on a cru comprendre. Oui. Je vous dis quelque chose. Oui, je vous en prie, François Mignard. Monsieur Le Gallet, mais sa première activité scientifique, quand il est sorti des écoles de formation, ça a été de travailler sur les Parcours. Ah bah voilà, bah très bien. On y revient, voilà. Ah, okay. Il a travaillé dans mon laboratoire sur l'optique du parcours. D'accord. Alors on a compris qu'avec Gaïa, c'était vraiment une de ces très grandes missions. Vous voyez, c'est de la classe des 1 milliard d'euros comme Rosetta et Philae. Alors, il faut l'avouer, Gaïa, c'est quand même moins spectaculaire que Rosetta et Philae. C'est vrai. Mais pourtant, elle n'est pas moins importante. Parce qu'on a quand même cité les révolutions, entre guillemets, qui pourraient arriver avec Gaïa. En tout cas, les apports importants. On va tester la relativité. On va découvrir peut-être 40 000 exoplanètes. On va reconstituer l'histoire de la galaxie. On va cartographier la matière noire dans la galaxie. Bref, et j'en passe. Donc on voit à quel point c'est tout à fait important. Et je pense qu'on peut dire quand même que les organisateurs, les créateurs, ceux qui sont à l'initiative d'une mission comme celle-là, ils s'honorent à avoir décidé de la lancer. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas spectaculaire comme ça pour le commun des mortels, mais elle est quand même absolument extraordinaire. Je voudrais qu'on remercie, avant de remercier nos intervenants, Mehdi, parce que c'est sa première. Et que voilà, on la double, hein, bravo, merci Mehdi. Et puis qu'on remercie très très très chaleureusement François Mignard et Olivier Lamarle pour leur présence et leurs explications. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.